elle perd sa première fille qui est ma mère. Maintenant, mon frère aussi, sa maman aussi est décédée. Bon, regarde, les généalogies de la famille, là, les gens qui sont décédés, ça va. Parlons des vivants. On avance. Il y a une malédiction dans la famille. Il y a une malédiction, c'est pas les sorciers, il y a une malédiction dans la famille. Parce qu'on va toucher un esprit et puis ça nous veut tuer les gens. Point. On avance maintenant. Permets qu'il parle avec. Pose-lui la première question. Thomas. Moi, ce que moi je voulais savoir, on ne fait pas que je voulais savoir. Moi, je prie que le Seigneur ouvre les yeux de Par là, c'est eux qui sont revenus. Par rapport au chemin qu'il a suivi. Ce chemin. Là, ce n'est pas une question. C'est un souhait que je vais faire. Non, que on fait le chemin qu'il a suivi. Là, quand lui-même, il voit, parce qu'il est l'homme. Parmi les hommes, on peut dire les petits-fils. C'est lui le petit-fils homme. Voilà, nous sommes les femmes. Le reste qui sont là, c'est les parents, les oncles. Maintenant, nous, les petits-enfants, il est l'homme, mais il est prêtre. Quand lui, il voit alors tout ce qui se passe au sein de la famille, qu'est-ce que lui, il dit? Qu'est-ce que lui pense? Est-ce que les gens vont continuer à partir comme ça? Il dit que c'est la volonté de Dieu. Dieu a donné, Dieu a pris. Non. Tu refuses que Dieu promet, c'est lui qui prend. C'est exagéré. Quand même. C'est toujours Dieu. Et surtout, on dit que les possessions. On a délivré, l'esprit a parlé, après, une semaine après, la personne est morte. Mais pourquoi les possessions ont pu la mort? Possessions ont pu la mort. Et mon frère est là-bas. Lui, il pense quoi? Il pense quoi? Par rapport à tout ce qui arrive dans notre famille. Donc, première question. Oui. Que je réponde ou bien? Non, moi, j'ai seulement posé la question. C'est pour seulement la question. J'ai une question à poser à, et puis à son frère. Non, lui, je lui ai déjà même posé la question quand il était au séminaire. Que lui voit comment. S'il me permet de poser des questions, je vais poser des questions. Mes questions sont virulentes, poignantes, pointues, piquantes. Non, toi, tu es un serviteur de Dieu. Moi, je voulais que... Ce qui concerne la famille, en famille, et selon moi, j'ai dit, ou je l'ai dit tout à l'heure, chaque fois, on ne peut pas combattre le diable tant que nous sommes d'abord dispersés. Nous ne sommes pas unis. L'autre est là-bas. L'autre, des frères, même d'un même ventre, monsieur, ne parle pas. Comment est-ce qu'on peut d'abord lutter et combattre le diable en grande dispersion? Unissons-nous d'abord. Et là, on va trouver une solution pour combattre. Parmi donc, volontiers, le chef de famille, c'est au chef de famille d'appeler. Ils ne font pas ça. Au chef de famille, allez, approchez-vous des aînés, vous dites que vous. Tu vois ce qu'on constate. Ils sont là, dispersés à droite, là, partout, par. Ils ne font pas ça. Les chefs de famille, là, comme on peut dire, de toute la grande famille, lui aussi, il est prêtre pour chercher les Anglicans. C'est lui, non? C'est lui le chef de la grande famille. Oui, il est orthodoxe. Voilà, orthodoxe. Donc, il faut faire un certain écuménisme familial pour résoudre le problème. Voilà, c'est ça. Et on n'y a jamais eu ça. Moi, je n'ai jamais eu ça. Qu'est-ce qu'il refuse, non? Ta maman. Moi, je n'ai jamais dit qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas comment? Elle ne veut pas s'asseoir avec Deng. Non, comment? On peut regarder s'il y a des groupes qui ont des problèmes. Vous pouvez résoudre le problème. Petit groupe. Voilà. Moi, je pense que le problème là. Par exemple, tu as un problème avec lui. D'abord, allez vous réconcilier. Voilà. Vous réconcilier. Le problème majeur là maintenant, c'est ceux qui sont à EDA. Moi, je ne vois pas que les gens de Douala ont même trop de problèmes. Les gens de Douala, bon, ils sont. Chacun, c'est ça. Bon, ils sont là, on les appelle maintenant, ils vont venir. Moi, ça veut dire que c'est d'abord les mêmes pères, mêmes mères. Voilà, oui. Même père, même mère d'EDA là. Maman Jette. Qui a perdu sa petite fille là. Qui a perdu d'abord sa fille. Ça n'a pas fait combien d'années? Sa petite fille est morte l'année passée. Et mon frère connaît que, comme tu vois, ses frères ne lui parlent pas comme ça. On dit que c'est elle qui mangeait ses enfants. Mais parce qu'elle peut aussi être comme ça, parce qu'on l'a aussi accusé injustement. Elle a décidé aussi de dettes dans son coin avec son cœur. Non. Ça. Bah, elle mange son enfant, elle a laissé son enfant grandir avant de manger. À ma petite connaissance. À ma petite connaissance. Comment je vais dire, c'est à dire elle est utilisée. Elle est utilisée elle-même, elle est là pour protéger la famille. Mais ses frères n'ont jamais accepté ça, parce que depuis le bas âge, on les a dit que c'est votre grande soeur qui fait ceci, et ils ont mis ça dans leur tête, c'est la grande soeur. Et pourtant, si elle n'était pas là, c'est que la famille n'existe même pas. Moi, je leur dis ça. C'est la maman qui est là, c'est elle là qui nous protège. La famille est sûre d'abord quand les gens me reçoivent. On ne veut pas comprendre ça. C'est pas je parle d'unité. On ne veut pas accepter ça. On ne peut pas fonctionner en rang dispensé. On ne peut pas. Mais puisque ses frères aussi ne peuvent pas lui parler, disant que c'est elle qui tue les gens. Et mais vous dites que ça change quoi? Puisque quelqu'un est un tueur. Il faut faire comment pour résoudre le problème? Il faut commencer à résoudre petit à petit. On peut vous faire les révélations. On ne vous dira jamais que. Ça, c'est. En fait. C'est pas bien. C'est autrement, je ne vois pas qu'il y a beaucoup d'eau. Mais la papa c'est qu'il y a beaucoup de comme ça. Pas qu'il y a beaucoup d'eau. Qui n'a que l'eau, qui n'a que l'eau comme c'est ça. C'est surtout là-bas qu'on a dit ça. Oui. C'est ça que les pimentes sont comme ça. Et du moment, mais c'est quand il y a papa qui a beaucoup d'eau. Il n'y a que l'eau déjà. Fais-moi nous suivre. Ok, vous aussi, maintenant, posez-moi les questions. Je suis devant vous. Bon, je ne sais pas. Je sais pas quelle question. N'importe quelle question. Si vous ne me posez pas, que moi, je vous en pose. Moi, quelle est la question? Bon, que moi je peux poser comme question dans mon parcours, oui. Que ce soit scolaire, que ce soit académique maintenant, mm-hmm. J'ai rencontré beaucoup de problèmes. Oui. Beaucoup de problèmes. Mm-hmm. Où mes amis me continuent pendant que moi je fais des stages. Mm-hmm. Au lieu de continuer, on t'envoie un stage. Mm-hmm. Bon, alors est-ce que ma vocation, elle est ouverte, elle est claire? Voilà. Bonne question, c'est une bonne question. Mais avant cela, il y a un triple choix qui a été présenté devant de toi. Bon, en principe, pour la vocation, ça c'est douteux. Mmh. C'est un choix que j'ai fait, en fait, pas choix, mmh. En fait. C'est une réponse que j'ai donnée à Dieu depuis, mm-hmm. Même depuis même. Je vais y arriver parce qu'il y a quelque chose qui a causé ceci quand vous étiez un peu plus petit, qui est arrivé à cette direction. Mais il dit qu'il y a un triple choix, c'est-à-dire qu'il y a une triple ouverture qui était possible. Donc c'était. J'ai répondu à ça et mm-hmm. Puis je me suis lancé. Mm-hmm. Bon, maintenant, pour bien aider, il faut qu'on pose des questions pour creuser, d'accord? Ou bien peut-être, si je dis par exemple que depuis combien de temps vous êtes dans l'étude, dans cette étude-là, et vous allez bientôt sortir, non, c'est ça? Oui, ce n'est plus trop loin. Ouais. Bon, le problème c'est que après le Mans, oui. J'ai d'abord eu, je peux dire, j'ai perdu une année. Mmh. Une année blanche. Une année qui, blanche. Qui a retardé dans le cursus. Oui. Dans le cursus. Une année blanche. Bon. C'est passé mmh. Et là où la première congrégation où j'aspirais, mmh. Il y a eu, on ne sait pas comment les blancs ont fait. Bon, c'est passé. Suivez ce que je viens de dire tout à l'heure. Il t'a dit qu'il y a un triple choix ouverture qui a été donné. La lune de ces ouvertures, tu as de regarder vous à l'extérieur de ce pays-ci. La lune de ces ouvertures ici. Il y a une triple ouverture en dehors de ceci, de ce parallèle-ci. Parce qu'on va, il faut qu'on parle de ce parallèle-ci. De cette vocation, de cet appel sacerdotal, comme je vais le signifier. Cette chose, cette automatique, c'est le voyage. Ce voyage, il devait être fait pas par des gens conventionnels. Pas par des gens pas de façon conventionnelle. Là, je ne sais pas. Dépose la main, ça ne veut pas fuir. Là, je ne sais pas. Non, dépose au-dessus de la table. Au-dessus de la table. C'est un voyage qui devait être fait. Et pas parce que tu, toi-même tu fais le visa, tu peux faire les choses normalement. Mais d'une certaine façon, on peut dire donc sous couvert, SC. Non. Peut-être que c'était avec les missionnaires là. Mmh. Parce qu'on était la première promotion mmh. En ce temps-là. On était la première promotion en ce temps-là. Le gars qui était voir la SICA, il était aussi parmi. Mmh. Donc, la première promotion là, on a pris, c'était. Ils sont aujourd'hui en Italie. Mmh. Sont déjà, ils font des études en Italie. Bon, on ne sait pas ce qui nous a. Bon, c'est le tu étais censé être des parents. Oui. On ne sait pas. C'est arrivé. Il dit c'est parce qu'après, il va entrer dans les profondeurs de ce qui s'est passé en réalité. Donc, après, bon, on m'a demandé d'envoyer mon dossier à Bête. Mmh. J'ai envoyé mon dossier là-bas. C'est mon dossier arrivé au moment de la transition des archevêques. L'archevêque de Détroit, à partir déjà en était déjà vieux, il partait, prenait déjà sa retraite. Il devenait évêque émérite, évêque de Bafoussam, partait avec toi, comment tu veux. Ça encore traîner les choses. Ça encore traîner les choses. Ça vraiment traîner les choses. Parce qu'il faut revenir et voir toutes les choses. Et beaucoup même, nos gars qui étaient là, beaucoup même sont partis dans les pays d'à côté. Voilà, frontalier, frontalier, oui. Voilà, on a dit que non, moi je ne suis pas là. Je ne suis pas dans mon pays. Regardez ça. Rester dans mon pays. Oui. Fidèle là, ça. Fidèle. Voilà. C'est que, en fait, c'est la limite, c'est que tu attends le temps de Dieu, que Dieu fasse comme il veut. Voilà. J'envoie mon dossier à... Non, j'ai encore perdu l'année. Là, j'envoie mon dossier à Lukaduma. Lukaduma. Bon, on devait directement m'envoyer aux études, commencer. Alors, on envoie encore un stage. Voilà, donc, c'est ce qui est un peu freiné, un peu sus. Dans le cursus, depuis, ça fait combien de temps que tu fréquentes dans le domaine de la prêtrise du séminaire, par exemple? Je vais poser une question concernant cela. C'est-à-dire que si tu prends la durée que tu es dans cette formation sacerdotale. Bon. Parce que même les stages sont comptés. Oui, c'est compté. Une année de stage, puis politique, trois années de philosophie, 5 ans. 5 ans, voilà. Si je voulais avoir le nombre d'années. Bon, durant les 5 ans, est-ce que tu as lu cette Bible si là une seule fois? Mais c'est notre... Comment je peux dire ça? On dort avec. Vous avez remarqué que quand vous êtes venu, j'ai plus à voir au nom. Moi, je dors là-bas. Donc, arrêtez, quand je suis ici, que c'est là-bas, je suis avec ça. Non, la Bible, c'est... C'est-à-dire quoi? Enfin, parce que sur les divisions, il dit que comme c'est là-bas, je peux mettre ça là-bas pour orner. Et que je dors là-bas, et qu'arrêtez, il ne lit pas. C'est pour ça que la question que j'en ai parlé, parce que j'en ai parlé de l'appel sacerdotal. Et pourquoi? Parce que si tu as lu cela, on pourra bien parler là-dedans avant de sortir éventuellement pour regarder l'orientation du Seigneur. Donc la question qui s'est posée, c'est que la Bible, c'est parce que il y a pris la version top, il fait bien de prendre la version top. Parce qu'il a pris tout le jour là-bas. Quand il n'y a pas la version top, c'est ça qu'il prend. Quand il n'y a pas le musulman, le verre là sur le Coran, c'est ça qu'il prend. Quand il n'y a pas le musulman, c'est ça qu'il prend. Il n'y a pas le franc-maçon quelque part là-bas derrière. Il y a plus d'artistes, c'était un jour, il y a la scientologie là-bas, le gros qui est rouge, vert là. Donc, il y a tout genre de liens, tout genre là-bas. Il y a un doigt là aussi, ici. Il n'est pas ici au-dessus, sous le cahier. Donc, quand il parle, chaque personne, il prend cas par cas. Il est pris top ici parce que ça vous concerne. Parce que vous voulez voir. Donc, la question que je pose, c'est durant ces 5 années, est-ce que toi, de façon individuelle, tu as lu ceci? Totalement. Non, on ne peut pas dire totalement. Bon, ça peut aussi être totalement. Parce que, sans te mentir, on n'a pas assez de temps. Oui. Parce qu'il y a beaucoup pas fait. Il n'y a pas beaucoup. Mais on lit constamment. Oui. Mais quand tu globalises la lecture que vous faites. Vous lisez par exemple beaucoup, par exemple, Saint-Augustin. Non. Thomas d'Aquin, qui est l'un des piliers, des fondations des trucs où lisez. On ne voit pas de Thomas d'Aquin, non? Oui. Saint-Augustin. On fait. La tradition orale, la tradition écrite. Ça va. Oui. En fait, ils sont divisés ici parce qu'il y a un problème dès la base. La base, c'est que si c'est Dieu, si la vocation vient de Dieu, il va falloir aller retransmettre, comme tout le temps de parler à ces jeunes femmes-là. Retransmettre la volonté de Dieu, ou mieux la parole de Dieu aux gens. Supposons par exemple que, comme j'étais à l'université par exemple en maîtrise, on faisait la physique. Il y a une épreuve en physique qu'on faisait, c'était l'informatique. On voyait les tennis de table là, qu'on joue, Roger Federer joue là. On avait composé un truc informatique qu'on devait faire. Parce que quand on joue la tennis, en réalité, il y a le jeu de ça, le jeu, comme on voyait les PlayStation. Le PlayStation, quand on tape, on joue les gens tapent ou bien le fusil là. Ce sont des programmes qu'on écrit en physique. Donc, on a demandé d'écrire un programme en physique sur Roger Federer qui joue avec Agassi ou c'est qui. Tennis, donc on joue à Roland Garros. Okay. Il faut regarder tous les paramètres, regarder la dimension du stade, haut là-bas, la distance du filet, la vitesse du vent, ainsi de suite, la direction du vent, le stade, la taille du fusil. Donc, tout ce qui est dans une épreuve de physique. Comme c'est tellement difficile, c'est l'informatique. En informatique, tu as un endroit où tu dois mettre la virgule. Tu mets le point, l'information n'est plus ça. Là, vous allez vous voulez ouvrir votre boîte Yahoo, par exemple. Il y a un endroit où on dit, entrez votre adresse. Tu tapes ton adresse. Après, quand l'adresse est validée, il y a une histoire qu'on écrit à l'intérieur, qu'on appelle l'information, on appelle ça les algorithmes, les programmations. Mm-hmm. On a programmé que si l'adresse est validée, on dit, dans ce cas, entrez mot de passe. Si le mot de passe, tant que le mot de passe n'est pas validé, entrez, votre mot de passe est incorrect. Mm-hmm. C'est pour ça que quand on écrit ça, ça écrit, mais on sort le programme qu'on écrit. Et donc là, l'épreuve était tellement difficile qu'on avait déjà fait ça les années précédentes. Ce qui fait qu'il y avait la correction de ça, les gens photocopiaient comme on photocopiait à l'université là. Il y avait un truc, il y a mis un trait comme ça. C'est l'erreur. C'est-à-dire que quelque chose est sorti sur la première page. On a photocopié, on a photocopié comme ça, toutes les corrections avec la trait là. Quand on a vu ça, chacun a écrit, arrivé là, on a mis le trait. Chacun a mis le trait parce qu'on a vu le trait sur la correction, sur le photocopié. Quand on a photocopié. Vous dites quoi? C'est-à-dire que si on reproduit l'erreur que quelqu'un a faite, on risquera de faire la même erreur en conduisant la même erreur. C'est pour ça qu'il faut aller à la source. Parce que si on prend la première correction qu'on avait faite, la personne qui avait écrit avec l'original, le manuscrit, il n'y aura pas ça. Ça ne fait pas partie de l'exercice. C'est pour cela que si on, par exemple, si toi tu dis que tu as la vocation, que Dieu t'a appelé, alors le socle des appels, c'est la Bible. C'est le problème. Parce que si tu sors de la Bible, tu vas autre part. Je connais tous les enseignements du séminaire concernant la Bible par rapport à l'histoire, l'historicité de la Bible. Et j'ai parlé des traditions orales et traditions écrites exprès. Parce que le magistère tourne autour de cela. Il faut comprendre toutes ces choses-là en philosophie, avec la science de la religion, comment c'est venu, comment c'est pas venu, avec les apôtres jusqu'à maintenant. Donc toutes ces choses là, il faut donc essayer de déposer ça d'un côté, et puis on dépose la Bible maintenant pour dire, est-ce que Dieu a cette façon-ci aujourd'hui de l'appeler? C'est-à-dire que dans la vocation, n'est-ce pas, si la vocation des premiers apôtres, comment est-ce que Dieu a appelé? Par exemple, je prends un exemple simple. L'église catholique a pour fondateur, père fondateur quoi? Qui? Je le dis. L'apôtre Pierre, pas vrai? Voilà, si l'apôtre Pierre, lui, quand on lit dans les évangiles, on voit effectivement que c'est un simple pécheur, c'est ça non? Alors dans ce cas, est-ce que l'apôtre Pierre, bon je crois qu'on vous a parlé des deux écoles, les franciscains et les dominicains non? Voilà, les différents courants qui ont eu lieu, les débats qui ont eu lieu, que Thomas d'Aquin s'est érigé en son nom, les différents canons et les lois qu'on a aujourd'hui au milieu de l'église. Maintenant, quand l'apôtre Pierre, lui, était sur place avec les autres apôtres, est-ce qu'on a vu ces apôtres-là aller dans une école faire la philosophie? Pourtant, la philosophie n'a pas commencé avec nous maintenant. Ça n'a pas commencé avec Jésus. Socrate et Platon ont vécu longtemps avant Jésus. N'est-ce pas, mon cher? Mais les apôtres étaient sur place. Ils n'ont pas fait l'école de philosophie, les écoles de grec. Pourquoi aujourd'hui, cette soif de la philosophie mélangée donc avec la parole du Seigneur? C'est-à-dire que pour ceux, il y a particulièrement pour ceux qui sont appelés dans ce domaine. Donc ici, donc, ça pose déjà un problème. Que les apôtres qu'on prend pour modèle et comme les pères fondations de l'église n'ont pas fait aucune de ces choses-là que l'église catholique et tous les compères pratiquent aujourd'hui. Donc, ça, c'est une problématique maintenant qu'il faut qu'on regarde. C'est-à-dire que les appels sont faussés dès la base. N'est-ce pas? Et même les appels sacramentels, la façon dont on fait le sacrement. Qu'est-ce que vous appelez les appels, les données sont faussées? Sont faussées. Oui, c'est ce que je viens de l'expliquer depuis. Je dis, c'est regardez. Oui, je suis en train de. Quand Jésus a appelé ses disciples, oui, oui, j'ai suivi, vous n'avez pas parlé de. Donc je l'ai dit, on n'avait pas besoin de formation extra. De formation. Voilà. Voilà, donc la question que je pose, est-ce que tu te poses la question pourquoi ceux qui sont présentés dans la Bible comme les modèles, comme les premiers, n'ont pas fait cela? Et aujourd'hui, ceux, depuis l'an 325 avec Constantin et autres là-bas, tout ce qu'on a organisé, est-ce que c'est compatible? Ou est-ce que c'est la même façon? Ou bien Dieu a changé? Ou bien c'est comment? Comment tu comprends cela? Vous êtes ignoré qu'il y a la tradition orale et écrite. C'est pour ça qu'il y a pris la base dès le départ. Voilà. Et la formation ou bien la tradition orale. Oui. Que les apôtres utilisaient. Comme quel apôtre? Les apôtres. Lequel par exemple? Bon. Les apôtres Pierre et tout. C'est vrai qu'ils ont fait des écrits, mais ils parlaient plus. Voilà. Hmm? Mm-hmm. Il parlait plus. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, on a la tradition écrite. Où il faut étudier quand même pour avoir certaines connaissances. Non. Il faut avoir certaines connaissances pour pouvoir même enseigner. Bon, la question, c'est la question que je pose. Oui. Qu'est-ce que la philosophie qui est issue de la Grèce a à voir avec les apôtres? La philosophie. Vous êtes au séminaire, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes sorti prêtre. à l'issue de votre sortie, on va vous consacrer prêtre. Et vous allez dire que vous, quand haut et fort, vous allez clamer du haut de la chair que vous êtes serviteur de Dieu. Nous sommes d'accord. C'est pas ça. Hein? Mais pourtant, vous avez érigé, passé le temps, 95% du temps, à l'étude philosophique. Non, comment? La philosophie est de juste, c'est une, juste une partie. Oui. Juste une partie. Mm-hmm. Il y a la sociologie, même le sciences même de l'éducation. Il y en a beaucoup. Le sciences comportemental. Il y en a beaucoup. Donc, c'est juste pour aider l'homme à comment à se comporter. Oui. N'est-ce pas? Oui. Enfin, c'était une petite connaissance. Ce n'est, pas, ce n'est pas la philosophie qui est la base même de... Non, c'est ça qui me pose problème. Je l'ai dit, n'est-ce pas? Le Christ est venu sur la terre. Les personnes qu'il a choisies, il a choisi Pierre, un pécheur. C'est pas si tu comprends jusque-là, il y a un problème. Mm-hmm. Un pécheur. Il l'envoie, il dit, désormais tu seras pécheur. Donc, est-ce que Jésus l'a envoyé dans une école de formation? Là-bas, dans Actes chapitre 4, verset 13, la Bible déclare, lorsqu'il vit l'assurance avec laquelle parlaient Jean et Pierre, ils étaient étonnés, sachant que ce sont les gens du bas peuple, mais le reconnaissant d'avoir été avec Christ. Ou est-ce que, vous voulez dire dans les Saintes Écritures, dans la tradition écrite, ou est-ce que c'est mentionné que les apôtres ou bien les appelés doivent faire une formation? Je vous renvoie une question. Oui. Pensez-vous que oui. Aujourd'hui, oui. Comment je peux appeler ça? Bon. Comme tu fais ces choses sans fréquenter, sans... Oui, quelqu'un qui n'a pas fait l'école. Oui. Plus faire ces choses-ci. Peut se placer devant les gens et commencer à parler. Ok. C'est mon téléphone ici. Je peux vous appeler une personne maintenant. C'est même une fille qui était prostituée. Elle ne savait même pas écrire son nom. Parce qu'elle n'a même pas fait jusqu'au CPE. Si elle vous parle de la parole. Non. Vous ne pouvez pas savoir qu'en réalité, elle ne sait pas. C'est tradition orale. C'est ça que je l'ai dit. Et lorsqu'elle commence à lire la Bible, elle lit la Bible en anglais et en français. Ça, c'est un. Mais là, dans votre question, puisque je ne vous réponds pas à votre question, vous allez dire que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut le faire. Ça poserait la problématique du fait que est-ce que Dieu a changé entre temps? Parce que Dieu a choisi l'apôtre Pierre et la Bible déclare que Jésus est le même hier, aujourd'hui pour toujours. Qu'est-ce qui est censé conduire les gens dans la vérité que Christ a donnée? N'est-ce pas le Saint-Esprit? C'est l'Esprit Saint qui est censé le conduire. C'est pour ça que Jésus leur avait dit que je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai ce que le Père a promis. Le Saint-Esprit les assiste dans la voie de la vérité. Je demande que c'est lui. Non, ouvre. Donc en réalité, il n'y a pas un seul passage dans la Bible qui dit par exemple parle de la nécessité de qu'un serviteur est fréquenté. C'est-à-dire que sur le plan littéraire quoi. Oui, sur le plan séculier. Avant de venir ici. Non. Oui. Non, c'est ça, mais oui. Je pense qu'on a besoin d'être formé. Oui. Pour pouvoir faire certaines choses. Hein. Oui. Oui. On a besoin d'une formation pour pouvoir faire donc, certaines choses. Est-ce que l'apôtre Pierre avait été formé? Jean et autres là-bas. Ça, on est parlé sur la base du fait que c'est le modèle là-bas, non? Que c'est le modèle que nous devons suivre. Ou mieux encore, on pourra poser la question aujourd'hui. À partir de quel moment la formation devient nécessaire dans l'histoire de l'Église? Ou encore que qui l'a institué? Ces questions seraient intéressantes de les regarder, non? C'est-à-dire qu'à partir de quel moment on commence à parler de la formation des prêtres ou bien de la classe de la prêtrise? Qui a décidé que désormais il faut qu'on forme des serviteurs de Dieu pour pouvoir les amener, pour qu'ils puissent être aptes à leur fonction? Est-ce que Jésus lui-même a fait l'école? Quelle école? Il a appris. Mais la Bible dit que quand on l'a dit, on le voyait parler, on a dit d'où lui vient cette sagesse, lui qui n'a pas fréquenté. Il n'a fréquenté, mais Jésus n'a pas fréquenté comme on fréquente aujourd'hui. Donc ça dit que Jésus a appris à lire le Coran, la Bible. La Bible. Donc ça dit que Jésus, qui est Dieu, avait besoin d'apprendre alors. Jésus est venu comme homme. Oui. Oui. Il est Dieu, mais dans son enfance, il était un enfant, il a grandi en toute sagesse et intelligence, comme tous les. C'est-à-dire que quand Jésus marchait sur la terre, les disciples choisissaient, il marchait partout, là, il prêchait là. Donc ce qu'il prêchait là venait de la Bible. De l'eau que les gens. Donc tu comprends qu'il n'a pas besoin d'y aller. Jésus a commencé la vie publique à quel âge? À partir de 30 ans. À 30 ans. Oui. Entre 0 et 30 ans, il a une vie. C'est où? C'est écrit où? Ce qu'il faisait dans cette vie-là, durant cette vie-là. Jésus a une vie. Non, ça c'est clair que s'il est, voilà. Si est sorti de 2-0 ans à arriver à 30 ans, c'est qu'il a une vie. Voilà. Mais là, maintenant, tu me dis qu'il a fait une formation. Donc, il y a, quelle école Jésus a-t-il? Oui. Quelle école, par exemple? Okay. Ou bien Alexandrie? Je vais vous envoyer, parce que je n'ai pas les données sur ici, là, les oui. Références sur ici, mais je vais vous apporter des références sur... Que là où Jésus a fréquenté. Oui. Merci. Donc, je note ça que un, que tu dis Jésus a fréquenté. Deux. Quand ils pensent aux disciples, les disciples sont fréquents. Non, ils n'ont pas fréquents. C'était d'abord les vieux. Donc après les apôtres étaient déjà vieux. Ils étaient déjà des. C'était déjà des vieux. Et ils ne pouvaient pas les envoyer à l'école. Il y avait des gens qui étaient encore. J'ai le mineur. Comment on appelle le mineur? Le mineur. Uh-huh. Mais c'était des vieux. Uh-huh. Bon, ok. Ils n'avaient pas besoin de. De les envoyer à l'école. Une formation humaine qu'ils ont suivie uh-huh. avec Jésus. Uh-huh. Ils ont suivi une formation. Parce que dans ton propos, tu as dit que les formations là sont seulement là pour pallier à l'enseignement, afin que vous sachiez comment vous comporter. Quand tu regardes le comportement des prêtres et nous aujourd'hui, nous comportons mieux par rapport à ceux-là qui n'avaient pas fréquenté. Là-bas, moi je n'en parle pas souvent trop. Moi je n'en parle pas souvent trop. Parce que je me dis, chacun fait ça. Hein. Ça part. Le prêtre a ça. Il connaît ça de. De la Genèse à l'Apocalypse. Il est venu, il a dit oui pour servir Dieu. Alors, s'il ne parvient pas à mettre ça en pratique, moi je ne sais pas. Je ne le juge pas. Ouais. Maintenant, je vais entrer en profondeur. Il dit qu'il veut piquer doucement. Là, je sais pas. Tu vas te marier. Prêtre, non. Pourquoi? Parce qu'on vit le célibat. Est-ce une prescription biblique ou une prescription de l'Église? C'est une prescription de l'Église. Voilà. Catholique, romaine. Romaine, parce que les orthodoxes, eux, ils se marient. Ils se marient. Il y a un problème. Là, maintenant, il y a un problème. Ceux qui sont des catholiques romains se disent être serviteurs de Dieu. Ceux qui sont des orthodoxes, puisque c'est une église orientale, sortent de leur côté, ils se marient et ils disent que ceux qui sont de Dieu. Et là, ils prennent toujours le même Dieu qui est à la Bible. Oui. Maintenant, sur quelle base vous ne vous mariez pas et eux, ils se marient et ils disent que c'est de Dieu? Bon, on a à l'église catholique, on a nos principes. Donc je peux te dévoiler comme ça. En principe, le prêtre, n'est-ce pas, se veut libre. Libre. Le prêtre se veut libre. Donc il peut se marier. Non. Quand je parle de la liberté, la liberté où la femme est ou bien peut être un obstacle. À sa liberté, à la liberté du prêtre. Oui, ça veut dire que c'est la femme peut être un obstacle. Même ça, la liberté du prêtre. Supposons que tu as quand vous êtes à la maison oui. avec votre épouse. Oui. Vous voyez mm-hmm. Tu es à la maison avec votre épouse et. La chambre de l'église vous appelle. Justement. Oui. Peut-être madame, elle a peut-être un problème. Et comme comme elle a attrapé son ventre tout à l'heure qu'elle va accoucher. Justement. Vous voyez que vous serez divisé. Il faut là-bas, il faut ici, il faut ici, il faut là-bas. Donc c'est par rapport aux petits exemples comme ça que l'Église catholique a décidé. Oui, a décidé. Oui. C'est pas par rapport à ça, aux petits trucs comme ça. Les peu ici, voir. Je ne sais pas si tu peux voir ça, c'est. Non. Non, je ne vous dis pas que. Je n'ai pas encore lu dans la version top. C'est libre, je vais entendre ce qui est dit. Elle est digne de confiance, c'est ça? Oui, à partir de ça, elle, oui. Elle est digne de confiance. Oui. Cette parole, si quelqu'un aspire à l'épiscopat, c'est une belle tâche qu'elle désigne. Oui. Aussi, faut-il que les. Épiscope soit irréprochable, marié d'une seule femme. Oui, quand on parle de l'épiscopat, on parle de vous, non? Oui. Mais on dit qu'il faut soit que la personne soit comment? Je ne vous dis pas que ça, c'est une prescription biblique. Donc ça, c'est la charte de... C'est que vous disiez tout à l'heure qu'il ne doit pas se marier, c'est une charte de l'Église catholique. Oui. Mais là, c'est ça qui me pose problème au niveau de la vocation. Vous, par exemple, vous me dites que vous avez la vocation de servir qui? L'Église catholique ou bien Dieu? Dieu. Maintenant, quand Dieu lui dit quoi ici? Dieu non, lui dit. Non. Je veux qu'on parle un peu doucement en tant qu'homme et qu'on soit un peu. On connaît tout ça. Oui. on connaît tout ça. Il dit vous personnellement, vous connaissez je ça. Je connais. Ok, le père doit avoir une et une seule femme. Bon, donc ça veut dire que si tu comprends, mais je vais assister à ton mariage alors. Tu vas m'inviter là-bas. Oh non, frère. Donc, parce que ici, il dit les épiscopes, le titre, ça c'est la version top. Les épiscopes. Les épiscopes, on parle des épiscopes, ça veut dire les évêques. Oui, je sais. Donc, elle est digne de confiance, cette parole. Si quelqu'un aspire à l'épiscopat, c'est une belle tâche qu'il désire. Aussi faut-il que l'épiscope soit irréprochable. Mari d'une seule femme. On a mis une petite F là-bas pour nous renvoyer ici à une définition. Quand on parle de marque. Puis il dit aussi, il dit capable, non, il dit sobre, hospitalier, de bonne tenue, hospitalier, capable d'enseigner, ni buveur, ni batailleur, mais doux, qu'il soit ni querelleur, ni cupide. Bon, mesdames, on dit qu'il sache bien gouverner sa propre maison et tenir ses enfants dans la soumission. Puis on dit, en toute dignité, quelqu'un, en effet, qui ne saurait gouverner sa propre maison, comment prendra-t-il soin d'une église de Dieu? Maintenant, l'exemple que toi, en tant que prêtre, tu es en train de prendre... Non, je ne suis pas prêtre, je suis en formation. Pour être prêtre. Oui. Donc maintenant, tu fais semblant que tu es un épiscope. Je suis en voie. En voie d'être épiscope. Ah. Et ils disent que cette parole est digne. Donc toi qui cherches à être épiscope, il faut que tu aies une femme. Que tu aies des enfants dignes, soumis. Et on pose la question que mais, si toi, tu n'as pas une maison, et que tu n'as pas des enfants que tu tiens, comment peux-tu prendre soin de l'église de Dieu? Moi, j'ai une femme. Toi, tu as plutôt pris l'exemple que si ma femme allait les déranger, maintenant, je n'ai pas le temps de l'église de Dieu. La Bible, elle, elle dit plutôt que si je n'ai pas ma femme, comment je vais savoir d'en tenir l'église? Donc, ces différents aléas que ma femme a, comme par exemple qu'elle veut accoucher maintenant, là, ce sont les douleurs, les différentes difficultés que l'église de Dieu doit avoir. Et puis, je dois savoir comment gérer. Donc, si il sait comment gérer, il saurait comment gérer l'église. Donc en fait la femme n'est pas un obstacle, c'est plutôt un avantage pour servir. Parce que quand Dieu a mis l'homme, la femme à côté de l'homme, c'est ton aide semblable, pas un obstacle. N'est-ce pas, Abbé? On peut dire Abbé, non? Bon, comment ils appellent les petits? En fait, les Abbé. Les Abbé. Moi, je n'aime pas souvent trop. Mais quand tu vas sortir, comment tu vas te donner la sacrée, voilà. La mentale, tu vois, tu l'es. Parce que tu rêves même de ça à chaque fois. Donc, mon frère, ce que moi je peux vous dire, en fait, si on peut tourner la page, hein, par rapport au mariage. Parce que bon, nous sommes, je suis serviteur du Seigneur. Oui. Vous vous dites que vous êtes serviteur du Seigneur. Oui. On est serviteur, si on sert du Seigneur, la base, c'est les Saintes Écritures, n'est-ce pas? Mais oui. Si c'est les Saintes Écritures, oui. Ça se trouve que si il dit quelque chose en tant que serviteur de Dieu, le but pour lequel nous sommes en train de causer, c'est pour échanger, pour voir nos voix d'après le Seigneur. Parce que quand nous prêchons, même quand vous serez devant en train d'officier, la liturgie, vous allez faire liturgie, vous prenez les référents dans la Bible. Nous sommes d'accord. C'est pas ça. Attends. C'est dans quel évangile on parle du mariage? 1 Corinthiens chapitre 7. Voilà. Celui qui n'est pas marié, oui. A des soucis à faire de Dieu, celui qui est. Oui. Non, là-bas, ce que je peux ouvrir maintenant, il n'a pas parlé de l'homme. Elle a dit que la femme n'est pas, ce qui n'est pas marié, s'occupe de la chose du Seigneur. Oh, la femme n'est pas prêtre. Non, il n'y a pas parlé de l'homme. Non, il n'y a pas dit de l'homme. Parce que je connais les gens. Celui qui n'est pas. Oui. Bon, celui qui n'est pas marié. Ici, dans le premier épître de Timothée, comme vous avez vu ça dans le cours, on appelle ça les épîtres pastorales. Celui qui n'est pas. Ouais. Parce que l'épître pastoral traite particulièrement des conditions pour être évêque. Là-bas, il y a question des problèmes de mariage. Parce que l'apôtre Paul, par exemple, il n'était pas marié. L'apôtre Pierre, qui est le premier pape, était marié. Nous sommes d'accord. Voilà, Paul n'était pas marié. Il aimerait que. Non, pour l'apôtre Paul, regarde bien. Toi et moi, on doit exclure l'apôtre Paul parce que ce n'est pas le premier pape de l'église. On va relisser le premier pape de l'église catholique qui est l'apôtre Pierre. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Oui, Pierre était le premier pape. Ok, c'est ce que les catholiques enseignent. Mais le premier pape était marié, n'est-ce pas? En principe, pape, on reconnaît Pierre, mais c'était l'un. Bon, l'un, le premier quand même, non? Oui. Parce que c'est lui qui jusqu'à donné, qui bâtit l'église sur lui. Donc, il dit sur cette base-là, ça veut dire d'après toi et moi, là, si on admet que l'apôtre Pierre était le premier pape de l'église, ça veut dire que la continuité de sa vie devrait être transcendant. Oui, on peut aussi suivre le comment j'ai appelé ça, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Bon, mais l'apôtre Paul dit là-bas qu'il ne fait pas un ordre, mais vous avez fait un ordre avec. C'est pas un ordre. Non, c'est un ordre. Oui, c'est un ordre chez nous. Celui dont on veut imiter l'apôtre Paul. Ah, laissez l'apôtre Pierre de côté. Ça, c'est celui un qui veut être. Voilà, non, regarde. On va faire quelque chose. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 7, il dit chacun détient. Il dit je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Il n'a pas dit j'ordonne que tous les hommes fussent comme moi. Mais il dit que si chacun détient de Dieu, chacun tel un don. Donc si tu te maries, tu ne fais pas bien. Tu ne fais pas mal. Mais celui qui se marie, ne se marie pas faire mieux, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Maintenant, toi, tu me dis maintenant que vous imitez comme ça l'apôtre Paul. Or, l'apôtre Paul, lui, un, n'a pas fait d'ordre. Ça se pose donc que si c'était vrai, n'est-ce pas, c'est que dans la liturgie catholique, enfin, dans la constitution catholique, on devait laisser les prêtres libres de faire le choix, que ce ne soit pas un ordre. C'est-à-dire que si un prêtre veut, il ne se marie pas, un autre. Moi, par exemple, avant d'épouser mon épouse aussi, je ne voudrais pas non plus me marier. Tu vois, n'est-ce pas? Donc, parce que je voulais imiter l'apôtre Paul. Mais Dieu va présenter autrement que dans mon appel, il faut une femme à côté de moi. Oui. Tu vois un peu ce que je dis, n'est-ce pas? Or, toi, là où tu es là, si on entend seulement. D'abord, même quand tu vois les femmes, tu vois comment elles font là, comme ça, tu fais comme ça avant que tes yeux bougent, n'est-ce pas, monsieur le prêtre? Alors, si tu vois que si tu tentes de toucher une fille maintenant, on entend la première chose, c'est l'exclusion. Nous sommes d'accord. Si c'est l'exclusion, il y a un problème. Parce que la Bible déclare. Oui, parce qu'on vous demande de vivre dans le. Dieu n'impose pas ça, Dieu lui ne veut pas ça. Oui, on n'impose pas. Bon, mais je vous ai dit, on a les orthodoxes qui se marient. Oui. On a les byzantins qui se marient. Oui. On a les anglicans qui se marient. Les anglicans, oui. Donc, il y en a. Non, je vais laisser tous les autres groupes là. C'est vous maintenant qui êtes devant. Vous êtes un archétype même de l'église catholique romaine. Non, c'est pour ça qu'il dit, toi, tu t'es érigé comme serviteur de Dieu. Moi, je suis érigé comme serviteur de Dieu. Voici les paroles de Dieu dans la Sainte Bible. Ouais. Et lui, dit que pour que quelqu'un aspire à ça, il faut qu'il soit évêque. Il faut qu'ils soient mariés. Est-ce que la Bible se contredit? Non. Il y a un endroit qu'on a interdit qu'ils ne se marient pas alors. Parce que la Bible déclare que les gens vont venir enseigner qu'avec les doctrines des mondes prescrivant de ne pas se marier. La Bible dit ça, pas vrai? Que les gens vont venir prescrire de ne pas se marier au dernier temps. Ça, celui qui aspire à la charge d'évêque. Oui, on dit qu'il doit être marié. Marié d'une seule femme. Oui, on est ici. Oui. Voilà. C'est ça. Mais si on prend les prescriptions de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a pas fait une prescription par rapport non, à lui. Il a dit que celui. Non, il a dit que celui qui il dit que il souhaiterait que tous les hommes fussent comme lui. Comme lui. Après, il dit qu'il n'en fait pas un ordre. C'est pas un ordre. Voilà, c'est pas un ordre. Si c'est pas un ordre, ça veut dire que chacun peut faire le choix comme il l'entend. Mais là-bas, le problème, c'est que c'est une loi catholique. Que pour que quelqu'un soit prêtre, il ne doit pas avoir des femmes. C'est pas c'est ça. Mais c'est une loi. Non. Si tu acceptes cette loi. La loi de qui? La loi des hommes ou la loi de Dieu? De l'église. Ah, donc on a un problème. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est arrivé chez la loi. C'est la loi de l'église. Tu peux accepter vivre, servir Dieu dans le célibat, mais tu viens. Il dit ceci. Il y en a ceux qui. Beaucoup la font ça, on les enlève. Nous sommes d'accord. Beaucoup sont aux États-Unis. D'autres, il y a, tu connais le père des États-Unis qui s'est marié, il a décidé de se marier avec ces Chinoises-là, on l'a chassé directement. Et cette débat qu'on a dit, toi et moi, on a détenu maintenant, ça fait mouche maintenant entre vous. Nous sommes d'accord, non? Nous sommes d'accord. Ça fait mouche maintenant dans l'église catholique. Alors maintenant ici, voici la loi de l'église catholique n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Parce qu'ici on dit que voici le principe de l'épiscopat. L'épiscopat c'est quelque chose qui a été institué avant, bien avant l'église catholique. Et donc si c'est un sacerdoce qui vient avant l'église catholique, c'est l'église catholique qui se doit de respecter la ligne écrite dès le départ avant elle. Et donc c'est pas celle-ci qui va se conformer à l'église catholique. Parce que si vous voulez servir Dieu, et que si les catholiques veulent que les gens soient serviteurs de Dieu, ils doivent servir Dieu selon les Saintes Écritures, n'est-ce pas? Parce que Jésus lui-même, il est venu. Il n'a pas dérogé à la règle de prendre les Saintes Écritures pour lire. La première fois qu'il a lu, on lui a donné le livre du prophète Isaïe. Quand il a lu, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a quoi? Il dit, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue. Et l'apôtre Paul dit que toute parole de l'Écriture est inspirée de Dieu est utile pour corriger, pour enseigner, pour reprendre. Tu vois, c'est pas ça, n'est-ce pas? Alors donc, ça veut dire que les Écritures sont là pour nous éclairer. C'est ce que la Bible nous déclare. Mais mon frère, donc ça veut dire que vous devez vous marier en tant qu'homme de Dieu. Pour être en règle avec le Seigneur. Parce que deux choses l'une, soit vous êtes en règle avec l'église catholique. Ou même si vous regardez que vous soumettez à la papauté en tant que votre chef. Alors que l'église, elle est soumise à Christ. Parce qu'on dit que Christ est la tête du corps, qui est l'église. Donc, ça veut dire que soit vous avez. Enfin, l'église n'est pas bicéphale. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? L'église n'a pas deux têtes. Pourtant, dans l'église vieille catholique, il y a même les femmes qui prêchent, il y a même les femmes qui sont ordonnées prêtres dans l'église vieille catholique qui parlent de Vatican II comme étant une hérésie, même des vrais enseignements. Vous avez aussi dit ça, n'est-ce pas? On a parlé de l'église vieille catholique, des dissidents de l'église catholique qui ont taxé le Concile Vatican en 1966 comme étant des hérésies, n'est-ce pas? Et ces hérésies sont introduites par les papes. Et l'infaillibilité papale signifie clairement que quand il parle maintenant à la chair, il n'est pas faillible. On a des problèmes, n'est-ce pas, mon cher? Et vous voyez effectivement qu'il y a des boules papales qui ont été écrites. Et là, maintenant, l'Église catholique se trouve enchaînée dans ses propres lois. J'ai pu t'en citer maintenant ce que tu en veux. L'Église catholique se trouve enchaînée dans ses propres lois. Oui, si tu veux, je t'en cite plusieurs. Je commence. D'abord, la loi de l'infaillibilité papale. Je t'en cite. Oui. Je parle de la loi d'infaillibilité papale, le principe de la loi d'infaillibilité papale. Oui. Maintenant, cette loi d'infaillibilité papale veut que quand un pape parle ex cathedra, c'est-à-dire que dans la chair de l'apôtre Pierre, qu'il soit infaillible et que ce soit comme une doctrine et une règle de l'Église, n'est-ce pas? Mm-hmm. Maintenant, cette loi d'infaillibilité a plusieurs fois, Léon III et autres là-bas, a parlé des francs-maçons comme étant des anathèmes, n'est-ce pas? Et qu'on ne donne pas collaborer avec eux. Oui. Quand il a dit cela aujourd'hui, n'est-ce pas, ça se trouve dans l'Église catholique aujourd'hui, on donne les consécrations, la messe. Avec les francs-maçons. La messe avec les francs-maçons. Oui. Comment? Qui a donné le pape, le président de la République est franc-maçon ou il n'est pas franc-maçon? Je ne sais pas. Je ne sais pas maintenant. Ok, je vais parler autrement. Le président de la République est rosicrucien ou bien il n'est pas? Je ne sais pas. Nicolas Sarkozy est rosicrucien ou il n'est pas? Je ne sais pas. Ok, les chefs d'État de ce monde sont les francs-maçons, oui ou non? Là mon frère. Là, moi je sais pas. Le gouvernement, l'archevêque de Yaoundé célèbre la messe à l'issue de la pontificale, la présidence de Paul Biya avec ses affaires. Tous les membres du gouvernement sont assis là, n'est-ce pas? Bon, mon frère, ce que moi je peux vous dire. C'est le cas du Cameroun seulement là, hein? Donc c'est quelque chose de mondial. Oui, ce que moi je peux vous dire. Mm-hmm. Chacun aura à répondre devant le Seigneur. Amen. C'est ce que la Bible dit. Mm-hmm. Chacun aura à répondre. Il est franc-maçon. Je ne sais pas par où commencer. Mm-hmm. Non, c'est pas de vous qui parlez. Je parlais de la norme de l'Église catholique pour montrer que c'est contre la parole de Dieu. C'est pas que c'est eux qui viennent. Est-ce que l'Église doit avoir un appareil qui détecte que ça c'est un femme, il ne doit pas entrer. Là, l'Église s'est toujours dotée. C'est pour cela qu'il y a les agents secrets au Vatican. Ils savent exactement ce qui est pharmacien et qui ne l'est pas. Non. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Non. Il y a la charte dans les années 1200. Là, 1300, où il y avait les Templiers, n'est-ce pas? On a chassé, il y avait la chasse aux sorcières pour brûler qui était contre l'État. Maintenant, quand il y avait des empereurs qui avaient été anathémisés par le Vatican à cause de ces bulles, n'est-ce pas? Je suis en train de dire clairement que la doctrine de l'infaillibilité papale signifie clairement qu'il n'y a point d'acte, que les francs-maçons sont anathèmes et qu'il n'y a pas de collaboration entre l'Église catholique et les francs-maçons. Et aujourd'hui, on trouve les francs-maçons même prêts. L'infaillibilité de papa, là, vous prenez ça à quel niveau? Au niveau de la femme, ou bien vous pouvez ça parler? Non. Quand il parle de la doctrine de l'infaillibilité papale, ça suppose que, parce que même pas celui dès le départ, quand la doctrine de l'infaillibilité papale veut que quand le pape, ou bien l'évêque de Rome, comme c'est dit dans les écrits, oui, parle ex cathedra, que cette parole qu'il va parler soit infaillible. Or, voilà donc la base là-bas. Or, il y a des papes donc qui ont parlé ex cathedra en prononçant l'anathème sur les francs-maçons. Ça suppose qu'aucun des papes ne peut plus jamais changer ça. C'est ce que j'allais dire en clair. On est d'accord maintenant, je comprends maintenant ce que j'allais dire. Il a quitté le cadre des mariages. Il a quitté le cadre des mariages. Donc, ça veut dire d'après ce que d'après la doctrine de l'infaillibilité papale, on voit donc qu'il n'y aura plus jamais de collaboration entre l'Église catholique et les francs-maçons. Mais, paradoxalement, on voit votre pape qui est maintenant et les autres papes qui l'ont précédé. Collaborer avec les francs-maçons jusqu'à donner même le vous appelez ce que vous mettez là l'eau là pour mettre la bouche là les recevoir avec eux, collaborer avec eux, donner même les messes même sur les cercueils. Donc ça veut dire que la doctrine de la parité des infaillibilité papa est finalement faillible, ou bien certains papes seulement sont faillibles. Non, là moi je sais pas comment. Ce que tu tiens entre tes mains là-bas, c'est l'encyclopédie et l'histoire biblique où tu peux voir cela, c'est l'apogée du christianisme de Will Durant. Comme c'est une encyclopédie, ça se trouve là-bas. Et dans la encyclopédie catholique, de 1919, ça se trouve là-dedans. Je ne sais pas. Je peux rien vous dire par rapport à ça. Hein. Et là, je peux rien vous dire par rapport à ça. Chacun a sa nature. Et mais le problème, c'est que quand vous affectez dans une paroisse, Vous allez servir sur cette paroisse-là, contrôlée par les évêchés, ainsi de suite, de différents échelons qui sont au-dessus de toi. Donc, tu ne pourras pas prendre aucune décision de toi-même pour servir Dieu. Autrement dit, toi qui devant moi, tu n'es pas libre de servir Dieu dans l'Église catholique. Comment? Tu vas servir tu l'Église. La charge qui t'est donnée, qui t'est confiée, tu dois accomplir ta charge. Je te pose la question. Annoncer là. Si y a un besoin. C'est ta première charge. Annoncer la bonne nouvelle. Oui. Je pose la question. Si y a un cas, d'après les doctrines, si tu les connais vraiment bien, d'après la doctrine de l'Église catholique, est-ce que toi, en tant que curé, tu as le droit de faire un exorcisme sur un de tes fidèles? Tout prêtre. Si tu finis de dire, il va sortir dans la doctrine. Tout prêtre exorciste d'abord. Attends, tu n'es pas prêtre. Donc il faut être prêtre exorciste. Non, j'ai dit tout prêtre. Oui. Ordonné. Oui. Exorciste. Voilà. Bon, mais il y a ceux-là. Oui. Certains qui ne s'intéressent pas. Oui. À l'exorcisme. Des malades. Oui. Il y a ceux qui aiment ça. Oui. Et puis des malades. Oui. Mais pour prêtre. Est-ce que tu peux baptiser quelqu'un dans ta paroisse directement en lui conférant le sacrement de l'onction? De la confirmation. En cas de danger de mort. Danger de mort. Tu dois le faire, mais tu dois signaler. Il cite votre compédium. Ça, c'est en cas de danger de mort. Donc, ça veut dire si la personne n'est pas ne doit pas mourir, qu'est-ce que tu dois faire? Si la personne n'est pas en danger de mort, qui doit le faire? L'évêque. Non. Oui. Et le c'est l'évêque seul qui a autorité de faire. C'est lui qui doit le faire. Voilà. Donc, mais en cas de danger de mort, comme tu as le signifié, oui. Le curé doit le faire, mais il doit le signaler. Il signale. C'est pour ça que je t'en ai dit que tu ne peux pas servir Dieu étant libre dans l'Église catholique parce qu'il y a les normes. Ces normes-là, tu ne peux pas les transgresser. Non, mais mon frère, il y a des règles partout. Il y a des règles partout. Il y a des charges que toi, tu ne peux pas faire. Oui. Il y a des trucs. Donc, non, mais suis attentivement l'illogique de cette phrase-là. Donc, la personne qui est devant vous, comme moi, je fais l'onction. Le sacrement de la confirmation. Toi, en tant que prêtre, tu ne peux pas le faire. Mais si je suis en danger de mort, tu peux le faire. Qu'est-ce qui te confère à cet instant-là la capacité de le faire que tu ne peux pas faire quand je suis de mon vivant, que je ne suis pas en danger? C'est la catéchèse ou bien la doctrine de l'Église qui. Tu vois effectivement que tu as de servir. Sur cette base, tu vois que tu as de servir l'Église et non, Dieu. Comment pas? Parce que le Seigneur dit ici, il dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il dit je vous ai donné. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que c'est le prêtre seul qui. Est-ce que c'est l'évêque qui a cru seul? Je ne sais pas si tu comprends, mon cher Abbé. Tu comprends un peu l'esprit que ça nous dit, n'est-ce pas? Je comprends très bien. Donc, ce que ça nous dit en réalité, c'est que, en réalité, peut-être tu vas avoir l'amour de Dieu dans ton cœur qui veut servir le Seigneur, mais tu es sous l'égide des hommes et non sous Dieu. Parce que là, tout ce que tu as, on a touché les traditions installées par l'Église catholique. Mon frère, et non dans la Bible. Dans toutes les sociétés ou bien les structures, oui. Il y a des règles. Oui. Oui. Pour éviter peut-être le désarroi ou bien le désordre. Pas. Oui. N'est-ce pas? Oui. Il y a des règles. Bon, ces règles-là, est-ce que ces règles-là sont instituées par Dieu ou bien par les hommes? Oui, mais c'est pour cela que je dis que dans tout ce qui est des règles, on ne peut pas dire que bon, tu construis, tu. Prenons l'église. Oui. Prenons l'église. Il y a prêtre là-bas, il y a prêtre là-bas, il y a prêtre là-bas. Là-bas, lui, il dit sa chose. Là-bas, il lui dit sa chose. Lui, non. Bon. À l'église catholique, il n'y a pas ça. Voilà. Exactement comme le témoin de Jéhovah. Le témoin de Jéhovah enseigne les mêmes choses partout. Si c'est moi, si je suis en train d'enseigner sur la loi. À l'église partout, catholique. Dans le monde, c'est ça. Les textes qu'on lit ici aujourd'hui. C'est la même chose qu'on lit de l'autre côté. C'est parce qu'il y a un programme. Là, on ne peut pas parcourir toute la Bible un jour. Là, je te pose la question. Si dans ta paroisse, si le calendrier, c'est ce qu'on appelle le calendrier liturgique. Si dans ton calendrier liturgique, il est question de parler de la fête des rameaux comme aujourd'hui. Nous sommes le 25 mars, c'est ça non? Vous célébrez les rameaux, c'est qui est déjà un problème. Si aujourd'hui on parle de la fête des rameaux, la semaine pascale par rapport à un prélude de la mort du Seigneur Jésus, et que dans ta parole à toi, Dieu veut qu'on parle de la repentance, comment tu vas faire? Dieu veut qu'on parle de la repentance. Oui, puisque tu es serviteur de Dieu. Si Dieu veut, si l'expression, le cœur de Dieu, c'est qu'à cet instant, si on parle de repentance, alors que le calendrier liturgique est signifié dans toutes les paroisses catholiques, c'est qu'on parle des carêmes. Qu'est-ce que tu vas faire, mon cher? Mon frère, il faut aussi voir que la volonté de Dieu, qu'est-ce que je voulais dire? C'est-à-dire, C'est la volonté de Dieu qui est là maintenant. Oui. Aller dans le calendrier liturgique. Donc, attends, donc Dieu avait exprimé sa volonté. Oui, c'est sa volonté. Attends, tout se manifeste là maintenant. Attends. Nous devons lire. Le calendrier liturgique, c'est fait pour un an, non? C'est la volonté de Dieu. C'est le calendrier de Dieu fait pour un an. Ça veut dire que vous pouvez savoir quatre dimanches ce qu'on va faire. Pourquoi le dimanche des rameaux tombe juste seulement le 25, soit le 25 aujourd'hui? Pourquoi c'est pas tombé? Mais l'autre année, c'est pas le 25 nécessairement. Mais ce que ça nous dit, n'est-ce pas? Ils sont dit que le calendrier liturgique, c'est pas le calendrier liturgique aujourd'hui, jour aujourd'hui, il faut savoir ce qu'on a dit dans tous les paroisses catholiques. Oui. Mais ça veut dire que dans toute la paroisse catholique, Dieu veut qu'on parle seulement de ça. Oui, c'est pour cela que je dis que pour éviter les. Pour éviter certains les désordres, chacun veut faire. Non. Bon, ce n'est pas ça à l'église. Parce que la Bible, est-ce que quand l'apôtre Paul a décrit un Timothée et que Jacques est en train d'écrire lui déjà, il parle de la même chose, est-ce que ça fait un désordre? Si Jean est de prêcher d'un côté, puis Jean est de prêcher de l'autre côté, est-ce qu'il peut être le même sujet? Par exemple, on a parlé du mariage tout à l'heure. L'apôtre Paul traitait dans 1 Corinthiens 7 de mariage. N'est-ce pas? Est-ce que ça n'a pas empêché que l'apôtre Pierre soit allé parler aux femmes maintenant d'être soumises à leur mari dans 1 Pierre chapitre 3? Est-ce que ça crée le désordre? Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler du mariage. Non, c'est pas ce que je le dis. Je le dis ici. C'est qu'en réalité, ouais, quand tu montes à l'extra, les personnes qui sont assises même dans la foule là-bas savent ce que vous allez dire, vous allez faire, pas vrai? Parce qu'ils ont le calendrier liturgique. Dans les églises qui sont votre église sœur, on écrit même le texte du jour pour la semaine prochaine. Même les commentaires. Il y a des tableaux où on écrit première lecture, deuxième lecture. Oui. Longtemps avant. Justement, c'est pour amener les chrétiens à lire les livres parce que les chrétiens ne veulent pas lire la Bible. Les chrétiens ne veulent pas lire la Bible. Oui. On leur demande de lire la Bible. C'est pour cela que cette référence-là sont là. Pour que quand quelqu'un peut. Et j'ai quand même vu, il faut que je parle quand même regarder avant d'aller à la messe. Bon, si toi-même prêtre, après, depuis 5 ans, tu n'as pas tout lu ça de façon consistante, comment le prêtre de ce lecteur donne le conseil à un catholique, lui, à un de tes fidèles, lui, qui lit? Je ne dis pas que je ne lis pas ça pendant plus de. Non. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a les. Il y a un programme qu'on construit. Tu vois un peu. Tu vas dire que bon, maintenant, c'est le temps de tel. Oui. Toi, tu es d'abord en train de faire. Non. C'est vrai que dans ta paroisse, tu ne peux pas décider de prêcher quelque chose qui est hors de le calendrier liturgique. Tu peux lire, par exemple, aujourd'hui, on a lu les dimanches de l'amour. Oui. Tu vois, non? Oui. Après la lecture, au lieu de prêcher, oui. Par exemple, l'entrée de Jésus à Jérusalem, tu parles de d'autres choses. Bon. Là, c'est permis. De façon exclusive, tu ne peux ne pas lire ce qui est le calendrier liturgique présent. Ça veut dire que tu t'es trompé. Trompé comment? Ça veut dire que tu n'as pas vu les textes? Non, non, je t'en ai dit ceci. Le calendrier liturgique prévoit qu'aujourd'hui, que ce soit, on lit les textes de Matthieu 22, où on parle de l'entrée jusqu'à Jérusalem. Toi, en tant que prêtre, de façon libérale, est-ce que tu peux laisser ça de côté? Tu ne parles pas de Dieu, tu ne parles carrément pas de Rameau, même de pleurs ni de loin. Tu lis par exemple l'entrée des juifs, des sorciers des juifs en Égypte. Ça. Tu ne peux pas déroger à ces règles-là. Donc, mais tu lis le texte. Mais dans le jour, tu dois quand même faire la référence du texte du jour. Tu fais le texte du jour. Parce que la loi catholique te le dit, n'est-ce pas? Oui, tu fais le texte du jour, mais au lieu de prêcher de. À ce sujet-là. Tu prends un autre sujet, peut-être qui est en train de qui se vit au niveau à la paroisse. Oui. Tu parles de ça. Donc, ça mais ce qu'il dit, c'est que d'une façon directe ou indirecte, tu dois faire référence à ces passages-là d'abord. Donc tu ne peux pas ne pas. Oui, bon, tu peux en faire un petit truc là, mais tu as quelque chose qui te préoccupe, oui. Que tu faut que tu. Tu parles, tu parles de ça. Et puis tu fais la messe. Oui. Mais le dimanche prochain, tu fais référence au verset concernant ce passage-là du jour. C'est-à-dire le dimanche dans le calendrier. Donc tu dois venir au calendrier. Oui, dimanche prochain, il y a d'autres textes, non? Oui, tu. Selon le calendrier. Oui, selon le calendrier. Mais où le Saint-Esprit? Non. Parce qu'on vous consacre, l'évêque met au-dessus de vous, couché là-bas, il met au-dessus de vous en disant les premières paroles là qu'on vous consacre à la charge de votre pastoral. Je sais pas comment je. Et vous avez compris ma question, n'est-ce pas? Non, faut. Mais j'ai la réponse autrement. Non, ça va. Le Saint-Esprit. Oui, à cet instant-là, où est-ce qu'il est? Avec tout ce que tout ce qu'on a expliqué, où est le Saint-Esprit? Ah, vous pensez qu'il n'est pas là? Non, il voulait dire que vous-même, de façon logique, il est présent. Si je dois savoir que le dimanche prochain, je dois lire ceci. Après l'autre dimanche, je dois lire ceci. Après le dimanche prochain, je dois lire ceci. Jésus, lui, il a dit à ses disciples, quand vous serez même debout, quand vous interrogez, ne pensez même pas, ne promettez même pas ce que vous allez dire. Ce que vous allez dire sera donné à cet instant-là. N'est-ce pas? Mon frère, je ne sais pas ce que je peux vous dire, mais je n'entre pas souvent pour. Mais quand vous prêtez, vous consacrez les gens dans la cérémonie de consécration des confirmations, vous dites que c'est Saint-Esprit que vous les transmettez comme ça. Ensemble, pour dire quoi? Pour dire clairement que soit on est dirigé par le Saint-Esprit, on est dirigé par les hommes. Ou mieux encore par les hommes guidés par certains autres esprits que le Saint-Esprit. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Parce que, non, parce que sur la terre, on n'a que deux esprits qui peuvent nous conduire. Parce que regarde, l'apôtre Pierre, dans la première prédication, quand il était debout, quand il prêchait, il parlait de ce qui est arrivé, parce qu'on disait que les gens étaient sourds. Tu connais ces passages-là, non? Il leur a dit que ces hommes-ci s'étaient levés au milieu de la foule. Il n'est pas allé demander la référence à Jacques ou à quiconque. Il n'a pas demandé que qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. On lui a posé la question, homme frère, que ferons-nous? Il a dit, repentez-vous. C'était pour le texte du jour. Nous sommes d'accord. Quand il a chez Corneille, on lui a même demandé... Oui, mais la repentance, est-ce qu'on va parler de la repentance? Il y a quelques jours, ça évolue. On évolue. On évolue. Aujourd'hui, on parle de la repentance. Oui. La semaine prochaine, on parle peut-être du mariage. Après, on parle peut-être des... Oui, mais toujours, chaque dimanche a un thème précis. Mon cher, dimanche a un thème précis. Si on parle de repentance précisément, n'est-ce pas la Bible, le but de la Bible pour lequel Jésus est venu, c'est pour réconcilier les gens avec lui, avec Dieu. Ça veut dire qu'on doit se détourner de sa mauvaise voie, de notre mauvaise voie, n'est-ce pas? Et la première des mauvaises voies consiste à la désobéissance à la parole de Dieu. Si vous-même prêtre, vous désobéissez à la parole qui dit qu'il faut que l'évêque soit mari d'une seule femme, tu t'attends à ce que le fidèle lui fait quoi? Vous voyez que vous-même dans la désobéissance, vous conduisez les gens dans la désobéissance. Les jours de la fête de Ramon Moussa ou bien les fêtes de Pâques, vous allez baptiser les bébés. Pourtant, la Bible interdit cela. Interdit le baptême des bébés, enfin, ce que vous appelez le baptême. Ah bon? Oui. C'est pas vrai. Ok. Ça, c'est l'une des choses. Et l'autre chose, c'est ceci. Est-ce qu'il y a les apôtres et les prophètes dans l'Église catholique? Prophète, oui. Apôtre, oui. Qu'est-ce que vous appelez à prophète, apôtre? C'est que la Bible appelle, comme avant il y avait le prophète Ananias, dans le prophète Agabus, dans les Saintes Écritures, là. Oui. Il y en a. Vous voulez dire que n'est-ce pas? Est-ce que tu quelqu'un... veut dire qu'il y a un prophète, c'est Dieu qui choisit ses... Oui, oui, donc il veut dire dans l'historique, dans l'histoire de l'Église catholique, est-ce que tu as entendu un prophète, un seul? Si c'est oui, tu me donnes un nom, une référence. Non. Là, il n'y a jamais eu de prophète dans l'Église catholique. Je ne sais pas comment. Non, je ne peux pas. Un prophète. C'est-à-dire, ça spécifique, c'est. Non. Dans la Bible, par exemple, on dit prophète Élie. Prophète Moïse. Prophète Josué, ainsi de suite. Y a-t-il quelqu'un dans l'Église catholique en tant que prophète? Là, je ne sais pas. Ok. Je vais poser la question autrement maintenant. Les archevêques sont-ils dans la Bible? Mais il y a l'épiscopat dans la Bible. Ah, c'est l'épiscopat, ça c'est clair. L'épiscopat, c'est quoi? C'est la classe des évêques. Voilà. Bon, y a-t-il un archevêque? C'est un évêque. Un archevêque, c'est un évêque. Donc, un archevêque peut se mettre devant toi, tu dis que mon évêque. C'est un évêque. Non, c'est clair que c'est parce que même le pape de Rome, c'est un évêque. C'est un évêque. Voilà. Donc, la question qu'il pose, c'est que y a-t-il un archevêque dans la Bible? Il y a un évêque. Donc il n'y a pas d'archevêque. Non. Ça, on appelle. Nous sommes d'accord que dans la classification, l'archevêque est supérieur à l'évêque, non? Ils sont tous des évêques. Ça c'est clair. Mais nous sommes d'accord que dans la classification, c'est la responsabilité de l'archevêque. Oui, c'est la responsabilité qu'on te donne. Qui est supérieur à l'autre. Ce n'est même pas que tu es supérieur à l'autre. Mm-hmm. Mais c'est que comme il doit avoir. Quelqu'un, oui. Une hiérarchie qui coiffe. Justement. Mm-hmm. Mais ça ne veut pas dire que tu es archevêque. Tu es un peu que. Mais archevêque, ça veut dire littéralement chef des évêques. Oui, mais je veux dire que ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus. Il ne peut pas. Il ne peut pas affecter un évêque. Qui? Un archevêque. Non, mais c'est parce que ce n'est pas dans ce cahier des charges. Il y a des choses qui font. On parle par exemple de la confirmation. On parle par exemple de la confirmation. On voit très bien que si tu es curé d'une paroisse, tu ne peux pas le faire. C'est l'évêque de ta zone qui doit le faire. Donc autrement dit, la charge qui t'est qui t'incombe est sous lui. Le prêtre est le prêtre de l'évêque. Et c'est même lui qui te dit. Le prêtre est le prêtre de l'évêque. Donc sur cette base-là, il est au-dessus de toi. Le prêtre, le prêtre est au-dessus du prêtre. Oui, au-dessus des évêques. On a l'archevêque. N'est-ce pas, mon cher? Celui des doigts là ici. Oui. Il ne peut pas parler fort à celui qui a aidé. Celui qui a aidé. Mais parce qu'ils ont le même, ils ont le même, les mêmes grâces. Celui... C'est wow. Comme les généraux. Voilà, il commande ici à oui, Douala. Il commence à s'y construire. Il est archevêque. Oui. Mais il ne peut pas parler fort. Oh, mon Seigneur intervient à Douala. Non, non, je comprends toi, mais je, moi, il veut qu'on se comprenne par rapport à l'appellation et aux fonctions. À Edea, il y a plusieurs paroisses dans différentes localités qui dépendent d'Edea. Oui. Et au-dessus de tout se trouve l'archevêque. Au-dessus de deux à Edea, il y a l'évêque. Il y a l'évêque. Mm-hmm. Et les différents évêques de toutes les l'archevêque, c'est quoi? C'est pour la province, c'est une région. Une province ecclésiastique. Ecclésiastique. Il y a Douala. Oui. Il y a Edea. Oui. Il y a Nkonsamba. Nkonsamba. Oui. Moi, je connais pas trop les zones, nos zones, parce que voilà. Nous sommes là-bas. Ça veut dire qu'au moins, en dessous, se trouve au moins 5 diocèses. Voilà. Alors maintenant, ça veut dire qu'au-dessous d'eux se trouvent dans des évêques. Oui, chaque diocèse, il y a un évêque. Voilà. Mm-hmm. Mais qui est le chef? C'est un archevêque. Oui. Ça veut dire, si par exemple, il y a une réunion, oui. N'est-ce pas? Oui. Il y a une réunion des archevêques de l'archidiocèse de, oui. De Douala. Oui. L'évêque est là. Oui. Les évêques sont là oui. Et le l'archevêque mm-hmm. Ils sont là. Bon, dans la constitution, dans la dans l'organigramme catholique, au-dessus des archevêques, il y a qui? C'est le pape. Le pape. Et qui était un évêque aussi, parce qu'on l'appelle l'évêque de Rome. C'est l'évêque de Rome. Le cardinal. Qu'est-ce que vous dites cardinal? L'appellation cardinal, ça veut dire quoi? Bon. Parce que le cardinal, ce sont les gens qui votent les, quoi, le l'évêque de Rome. Le pape, le cardinal. Le cardinal, en principe, c'est aussi une charge. Oui, c'est une charge. Mais c'est un archevêque. Oui, voilà. C'est un archevêque. Mais qui a atteint un certain niveau. Justement. Donc, tu es cardinal. Tu peux être cardinal. En fait, c'est un archevêque. C'est un archevêque. Oui. On pourrait dire au chevet ou hiérarchie. Là, je pose la question. Les cardinaux se trouvent-ils dans la Bible exactement comme les archevêques ou bien comme les pères? Mon frère. Je ne sais pas où vous allez, mais vous voulez venir, hein, à ce moment je... Nous parlons, de la base de notre conversation, c'est que nous parlons de la vocation, l'appel divin. Et l'appel divin est lié aux saintes écritures. L'apôtre Paul dit à Timothée que tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre à salut. Les saintes écritures, si. Il dit que avant d'abord, c'est ton Loïs et Nice, tes parents qui ont vu ça. Ils croient que les saintes lettres, là, lui ont transmis là. Tu comprends pas, n'est-ce pas? Et il dit, prêche la parole, insiste en tout cas, en faveur ou pas. Quand il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la sainte doctrine, c'est donner le foule de docteurs. Donc, si on a dit par exemple que, vous pouvez pas, ici dans l'armée par exemple, tu ne peux pas appeler quelqu'un colonel amiral. Parce que cette graduation-ci, cette appellation ne se trouve pas dans l'armée camerounaise. La nomenclature veut qu'il y ait des généraux, des colonels, ainsi de suite, des lieutenants-colonels, commandants. Voilà la nomenclature. Si quelqu'un se porte un certain tenu, porte un certain grade, et qu'il se dit qu'il est dans l'armée camerounaise, on demande quel est ton grade? Il dit, je suis le lieutenant colonel général. Tout le monde va se tourner, regarder comme ça, que ça part de galancie. Ça sort d'où? Parce qu'il est étranger au corps. Mais c'est pas ce qu'on se comprend maintenant. Maintenant, dans les Saintes Écritures, donc, l'Église catholique se tague étant de Christ et dit que le fondateur, c'est l'apôtre Pierre. Et donc, l'Église est bâtie sur l'apôtre Pierre et qu'il y a les traditions que les apôtres ont traduites, qu'on a données. La question, c'est donc, si c'était le cas, on a dit ce qu'on vient par pour le moment, c'est que ces appellations-ci, ne sont-elles pas étrangères aux Saintes Écritures, ou encore même les pieds haut là-bas ne sont-elles pas étrangères à ces appellations? Je pense que vous comprenez même la préoccupation. Avec archevêque, curé, comme tu peux entendre, pape. Et parce que pape, ça veut dire père. N'est-ce pas? Et plus grave encore, il est sa sainteté. C'est papa. C'est papa, non? Papa, c'est le mot latin pour père. Mm-hmm. Donc, d'accord. Curé, ça veut dire que père. Ça, abbé, ça veut dire père. Donc en fait, tu es un petit pape. En réalité, tu es pape dans ta paroisse. Comment tu dis encore? C'est pas ça. Quand tu dis le curé de la paroisse, ça veut dire le pape, non? Soyons sérieux, n'est-ce pas? Abbé. Quand quelqu'un dit que non, je monsieur l'abbé, il dit monsieur papa. Parce que abbé, ça veut dire père. Oui. Ah, donc, c'est vrai qu'on a donné une autre appellation au pape, mais la même appellation te donne, mais en changeant de l'origine des langues. Donc ça veut dire que le pape et les curés sont identiques. Maintenant, ce qui tente de poser comme question, c'est que ces appellations-là, puisqu'on se dit comme étant de la lignée des apôtres, nous nous trouvons clairement qu'à un moment donné, on se disloque, c'est-à-dire que le fil conducteur qui part des apôtres Pierre et autres là-bas, qu'on se tague être l'originaire, et bien le père fondateur se trouve disloqué clairement en chemin là. On a des doctrines étrangères et on voit effectivement clairement qu'il y a des choses qui sont contraires, qui ne tirent pas l'origine de là, en commun de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Non, mais je sais pas. Mais ça pose le problème que j'ai posé dès le départ. J'ai dit que toi, donc, finalement, tu as de servir qui? Et tu as de prendre à l'appel de qui? Si tu ne sais pas en tant que prêtre et que ces choses-ci, ça veut dire qu'il faut que je ne vois pas de problème. C'est vous qui, depuis le début, là, moi, je ne vois pas de problème. Tu vois pas qu'il y a un problème? C'est vous qui êtes en train de voir de problème. Vous me dites-moi que bon, mon frère, je voudrais que tu fasses ceci. Ok. Que le faire, c'est ça. Ok. Bon, je vais donc dire ça à mon propre langage. Voilà. Si tu as reçu l'appel de Dieu, oui. Tu dois vérifier dans les scènes écritures que tu as devant toi, oui. La façon que Dieu appelle, oui. Pour voir si cet appel-là est conforme aux scènes écritures. Quand Jésus est venu, il n'a pas dérogé à la règle. Il a demandé de l'identifier dans les scènes écritures. Oui. Quand Jean-Baptiste est venu, on a posé la question, toi, tu es qui? Tu es le prophète? Il dit non. Tu es Élie? Il dit non. Tu es le Christ? Il dit non. On dit, ok, dans ce cas, toi-même, qui es-tu? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts, comme a dit le prophète Esaïe. Il s'est référé aux Saintes Écritures. L'apôtre Paul s'est retiré aux Saintes Écritures, comme il a dit que je prends pas la main pour t'établir la lumière du monde. Tu comprends un peu, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ça dit que les appels de Dieu sont irrévocables. Et les appels de Dieu sont conformes à sa volonté. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui les gens, c'est le nombre aujourd'hui des généraux de Dieu. Et quand il dit général de Dieu, il dit qu'il est le général de Dieu. Une autre personne dit, je suis général de Dieu. Parce que ce sont les appellations qui sont étrangères à la Bible. Même s'il dit n'importe quoi, même s'il dit des choses qui font les gens tombent, les gens guérissent, dès le départ, il y a quelque chose de faux. Jésus a dit qu'il y aura parmi vous beaucoup de personnes qui vont se lever et enseigner des choses qui ne sont pas de lui. Or, pourquoi donc la Bible a été donnée? La Bible a été donnée comme garde-fou pour que toi et moi, on puisse faire quelque chose en sachant si on en est allé dans une voie droite. Le Cameroun, par exemple, notre pays, a une constitution. Sur la base de cette constitution, ça veut dire que c'est une loi, la loi fondamentale d'un pays. C'est-à-dire que c'est à partir de cette loi qu'on sait où la direction d'un pays. Comment si les gens, le pouvoir étatique, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont en train de faire leur travail. Si le président de la République fait telle chose et qu'il prend une décision, on dit que c'est anticonstitutionnel parce que tel article est en train de dire comme ça. Cette garde-fou-là lui a été donnée pour qu'on puisse se conduire. De la même façon, la Bible a été donnée non seulement aux pasteurs, tous ceux qui sont dans la sacerdoce et les chrétiens. Pour que s'il te prêche quelque chose en tant que chrétien, tu puisses savoir si je te dis la vérité. Jésus dit, Père, sanctifie-le par ta parole est la vérité. Donc, c'est la vérité, ça ne trouve pas dans l'Église catholique. Il y a les dogmes, ce qu'on appelle le dogme, comme tu as dû étudier avec les franciscains. Il y avait beaucoup de débats dans, à l'Université de Paris. Les franciscains avec les dominicains, et ça a donné plus de temps. Maintenant, si on parle même de l'origine avec Thomas d'Aquin, avec Saint-Augustin, par rapport à leur style de vie, on commence à se dire, on voit effectivement qu'ils se sont éloignés de l'apôtre Paul et Pierre dans les doctrines et les doctrines qu'ils ont établies. Quand par exemple, Saint-Augustin écrit par exemple que là où il y a l'évêque, la consécration amène un effet indélébile sur l'évêque. Quand il parle que l'onction d'huile amène un effet indélébile sur l'évêque. Ça, il dit cela d'Ignace d'Antioche qui a commencé à écrire cela en parlant de l'évêque au-dessus des autres évêques. Tu vois un peu ce qu'on a envie de dire, n'est-ce pas? Et par conséquent, toi et moi qui sommes ici, si on est appelé de Dieu, voici la lumière, les saintes écritures. Il a dit toute écriture est inspirée de Dieu utile pour corriger. C'est-à-dire cette écriture-là, pour te corriger, pour me corriger, pour corriger. Ça ne veut pas dire qu'on a envie de juger. On doit regarder que je suis en train de faire mal, je corrige d'après ce que la Bible a envie de dire. Donc, l'apôtre Pierre, donc, le premier pape de l'Église catholique, voici ce qu'il dit. Vous savez, la Bible des catholiques, ils ont classé ça, je ne sais pas où Pierre se trouve dans ce livre-ci. Voilà, premier épître de Pierre, au chapitre 5. Voici ce qu'il dit. Il dit, des voix des chefs de la communauté. Ça, c'est la version tort. Il dit, j'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, et témoin des souffrances du Christ. Moi qui ai pas à la gloire qui va être révélée. Percez le troupeau de Dieu qui vous est confié en veillant sur lui, non par contrainte. On ne doit pas te contraindre sur quoi que ce soit. C'est le premier pape qui dit ça. On ne doit pas te contraindre de ne pas te marier. Mais de bon gré. On dit selon Dieu. Regarde mon cher. Il dit selon Dieu, pas selon les normes humaines. Selon Dieu. Il dit non par cupidité, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui vous sont échus en partage, mais devenez les modèles du troupeau. C'est ce qu'il écrit. Parce que le premier papa dit, on doit les paître selon Dieu, avec dévouement. Donc s'il y a un homme, c'est pas une contrainte, ça c'est une contrainte. Si on te dit que tu ne dois pas te marier, c'est une contrainte qu'on t'a imposée. Non, c'est pas une contrainte, c'est une contrainte. L'Église a décidé que tu ne dois pas te marier, pas que toi, tu m'as décidé que tu ne dois pas te marier. C'est pas une contrainte. Tu as dit de servir Dieu dans le célibat. Moi, je vois pas. Mais c'est eux qui ont dit ça, de laisser le contrainte. Est-ce que tu es obligé de servir Dieu comme prêtre? Tu peux servir Dieu comme pasteur, comme vous êtes. Oui. Tu peux obliger. Tu n'es pas obligé de servir Dieu seulement. Est-ce que tous nous servons le même Dieu? Mmh. Prophète, prêtre, pasteur, je ne sais pas qui. Bon, comment savoir si on a desservi Dieu vraiment? Comment? Comment savoir si on a desservi Dieu vraiment? Ou bien c'est à la fin qu'on va justifier, la fin qu'on va justifier les moyens, ou bien c'est à la fin qu'on saura que Dieu, si Dieu va approuver. Donc on a un problème ici des fondations. En fait, le problème ici, c'est la fondation. Notre fondation doit être vérifiée. C'est-à-dire que si Dieu m'appelle en tant que pasteur, il faut que je vérifie déjà si c'est vraiment lui qui m'appelle. La vocation peut être biaisée, peut être détournée. Il y a des gens qui, dans leur soif, voudraient être avocats, ou se trouvent être dans l'armée. D'autres qui voulaient à tout prix être des médecins, mais se trouvent aujourd'hui dans l'enseignement. Quand ils sont arrivés, la porte était fermée. Ce sont les enfants des grands qu'on met dans l'enseignement, à la médecine, il n'a pas trouvé autre chose que d'aller dans l'enseignement. Tu vois un peu ce que je veux dire, n'est-ce pas? Mm-hmm. Cette personne sera dans l'enseignement, sera insuffisant. Parce que ce n'est pas sa vocation. Dans la base, ce qu'il aime, ce n'est pas ça. Oui. Le rendement ne sera pas ça. Mm-hmm. Or, maintenant, ça veut dire que cette personne s'est pris un de ses jours, on le met à la médecine, il va exceller parce qu'il va faire ce qu'il a toujours fait. Or, quand il va aller maintenant dans la médecine, on va lui enseigner la base de la médecine, voici les bouquins qu'il faut lire. C'est ici le problème. Donc, si tu dis que tu as fui les autres vocations pour venir dans la vocation de la prêtrise, la base de toute prêtrise, de tout sacerdoce se trouve dans la Bible et non dans les traditions que l'Église catholique a établies. Tu vois que avant que les Byzantins ne puissent, avant que l'Église catholique ne puisse s'ériger en homme et en maître de l'Église, c'était bipolaire. C'était l'Église de l'Ouest, l'Église occidentale, l'Église orientale. Et par la suite, l'Église catholique a pris le dessus. Et regardez bien les traditions que l'Église orientale prend, c'est pas la même chose que l'Église occidentale a pris. Et pourtant, les dieux disent justement servir le même Dieu. C'est pour ça qu'ils posent la question, non, sur quelle base donc toi et moi on peut dire qu'on a servi le même Dieu? Sur quelle base? Quand l'autre a fait une doctrine qui est contraire à l'autre. Le même Dieu passe dans ses contradictions comme tu as dit. Donc par conséquent, il faut quelque chose qui est l'arbitre. Tu penses qu'est-ce qui peut être l'arbitre? tout c'est la Bible. C'est la Bible. Ouais, donc si on parle de la constitution du Cameroun, par exemple, ou bien la loi de décembre 90 sur la liberté des cultes. Ça peut être la Bible pour notre conversation maintenant. Je pense que la révérence ici là, c'est la Bible. Hein? Ah, si c'est la Bible donc, ça veut dire qu'on doit s'y atteler et rester là, selon ses normes, non? Et la Bible ne se contredit pas. Exact. Donc, ce que vous êtes en train de dire là, par exemple, qu'il n'y a pas de cardinaux dans la Bible, ça sort d'où alors maintenant, dans votre milieu? Est-ce que c'est ça qui doit faire mal ou bien... Ce n'est qu'un aspect. Je prends, pendant que tu regardes, voici une encyclopédie. Je vais dans l'encyclopédie à la page 327, ici. Page 327 de cette encyclopédie. Regardons ce qui est écrit là. Je lis ici. Page 327, on parle de l'Église catholique romaine. L'Église s'aperçut que des paysans convertis révéraient encore certaines sources, des puits, des arbres et des pierres. Elle pensa qu'il était plus sage de bénir ces choses pour les accommoder à l'usage chrétien que de briser trop brusquement avec continuité sentimentale. Tu vois ça? C'est ainsi qu'un dolmen à Ploiret fut consacré comme chapelle des sept saints. Donc ce que l'Église catholique appelle la chapelle des sept saints, c'est un endroit d'idolâtrie à Ploiret. Et le culte des chênes, les arbres là, furent stérilisés par le moyen d'image des saints chrétiens qu'on y suspendit. Des festivités païennes, chères au peuple ou nécessaires comme moratorium cathartique, des règles de la morale, réparues comme des fêtes chrétiennes et les rites païens, de la végétation entrée transformée dans la liturgie chrétienne. Le peuple continua à allumer des feux de la Saint-Jean et dans les pays anglo-saxons, Pâques avec S, Pâques avec S, prit le nom païen de Oestre, la vieille déesse tectonique du printemps. Et quand on peut parler de carême maintenant, l'origine du mot carême en anglais, Lent, avant de, c'est même pas le moment de parler de cela. Le calendrier chrétien des saints remplaçait les fastes romains, d'anciennes divinités chères au peuple, purent revivre sous des noms chrétiens. En clair, l'historien est en train de dire ici qu'on a reconverti les fêtes païennes en donnant le nom chrétien. Il dit, la Dea Victoria des Basses Alpes devint Sainte Victoire. Donc on entend Sainte Victoire, c'est une idolâtrie d'une ancienne déesse païenne. Et Castor et Pollux renaquirent sous les noms de Saint Cosme et Saint Damien. Le triomphe, c'est là où on touche dans votre cas, le triomphe le plus beau de cet esprit d'adaptation tolérante. Tandis qu'on adapte les chrétiens pour ne pas briser les sentiments brusquement. Le triomphe le plus beau de cet esprit d'adaptation tolérante fut la sublimation des cultes de la déesse mère, la déesse mère païenne, en l'adoration des marées. Ici aussi, le peuple prit l'initiative. En 431, Cyril, archevêque d'Alexandrie, ça c'est en Égypte ça, dans un fameux sermon prononcé à Éphèse, ça se trouve dans la Bible, appliqua à Marie beaucoup de termes que les païens employaient pour la grande déesse d'Éphèse, Diane Artemis. Et le concile d'Éphèse, le concile d'Éphèse de cette année-là, passant outre aux protestations de Nestorius, un évêque qui avait dit ne faites pas ça, sanctionna pour Marie le titre de mère de Dieu. Ça, c'est 471 qu'on a sanctionné Marie mère de Dieu au concile d'Éphèse. Graduellement, les traits les plus tendres d'Astarté, de Cybèle, d'Artémis, de Diane et d'Isis furent rassemblés dans le culte de Marie. Au VIe siècle, l'Église institua la fête de l'Assomption de la Vierge aux cieux et lui assigna la date du 15 août, date de l'ancienne fête d'Isis et d'Artémis. Marie devint la patronne de Constantinople et la famille impériale. Fin de citation. Ça, c'est dans l'apogée du christianisme de Will Durand à la page 327 et 328. Qu'est-ce que tu en dis, Abbé? Mon frère, moi je ne sais pas ce que vous êtes en train de vouloir insinuer. Hein. C'est que l'historien est en train de dire, et ça c'est l'histoire avec les références claires, c'est que vous êtes en train de servir dans l'idolâtrie avec des non-chrétiens. Il a dit l'esprit, le plus grand. Alors, il a cité beaucoup de choses dans l'Église catholique, il dit que le plus grand c'est le Marie. Marie. Si vous voulez prendre le compendium de l'Église catholique là-bas, abrégé, signé par le cardinal Ratzinger, et prendre le cardinal, on lit là-bas le Regina Cheli, que tu connais certainement. Le cantique à la reine du ciel, vous connaissez ce cantique là, non? Mais là, qui est la reine du ciel? Marie est la reine du ciel, c'est ce que vous voulez que je vous dise, c'est ça? Mais non, je voulais seulement qu'on sur la vérité qu'on a cherché. Voilà. L'Église catholique enseigne que Marie est la reine du ciel. Si tu acceptes Marie comme mère de Jésus, pourquoi ne pas accepter que Marie a été élevée au ciel? Si vous acceptez que Marie est la mère de Jésus, quelle logique veut que comme Marie est sa mère, qu'il aille au ciel? Est-ce que vous acceptez d'abord qu'elle est ma mère de Jésus? C'est ce que la Bible dit. Voilà. Si la Bible dit ça, ça veut dire que Marie a été élevée au ciel. Donc ça veut dire que c'est une relation de quoi? Marie n'est pas montée au ciel, mais Marie a été élevée au ciel. C'est-à-dire qu'enlevée sans voir la mort? Non. Élevée au ciel, pourquoi? Parce qu'on dit Jésus est monté au ciel. Non, Jésus n'est pas seulement monté au ciel, il est passé par la mort. Oui. Après la résurrection. Et on parle de l'ascension. Bon, voilà. Laissons l'ascension. Donc, on a vu Jésus. Enlevé. N'est-ce pas? Oui, il s'est levé par terre. Marie est morte. L'Église catholique reconnaît. Que Marie est morte? Oui. Que non, ce n'est pas ça la doctrine de l'ascension. L'Église catholique reconnaît que Marie est morte. Mais elle a été élevée après sa mort. Pourquoi? Parce qu'on dit Jésus n'a pas voulu que. Elle ne pouvait pas vivre la mort, je veux dire, le corps de sa mère. Vous connaissez cela? La corruption. Le corps de Jésus, mais le corps de sa mère. De sa mère. Attends, où est-ce que vous prenez cela? Parce que pour Jésus, tu as dit par exemple que si vous connaissez Jésus, la mère de Jésus, on voit clairement dans la Bible. Regardez, la doctrine de l'Assomption, d'après la compétition catholique, c'est que Marie n'est pas passée par la mort. Déjà qu'elle est conçue de façon immaculée, pas dans le sein de sa maman, entre quoi, Joachim et Anne. C'est le père et la mère de Marie. Donc, ça n'est que de façon miraculeuse, de façon gracieuse, Dieu l'a conservé des péchés originels, n'est-ce pas? C'est ça, il a préparé Marie. Voilà, c'est ça la doctrine de l'Immaculée Conception. Voilà. Et donc, par conséquent, ça suppose que Marie n'avait pas le péché originel, le venin du péché originel. Cette doctrine d'Assomption dit clairement que Marie est montée sans passer par la mort. Ok, et même tout ça, en admettant même qu'elle est montée, qu'elle soit montée au ciel, est-ce qu'il y a un verset biblique qui parle qu'on lui rend un culte par rapport à cela, par rapport à tout quoi que ce soit qui lui soit arrivé? Et pourquoi, pourquoi au 4e siècle particulièrement? Les apôtres n'en ont pas fait qu'à jusqu'au 4e siècle où il y avait le problème avec l'effet à Éphèse, avec Diane, Isis, ainsi de suite. En fait, mon cher frère prêtre, c'était tout ce moment, c'est tout ce moment pour que tu repenses à la position où tu te trouves et la vocation. Ma vocation, elle ne peut pas être repensée. Repensée ou bien détournée, sauf sauf si c'est. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur ou bien, bon, on ne sait jamais. Mm-hmm. On ne sait jamais. Quelque chose peut arriver là maintenant. Dit que, bon, mon ami, toi. Bon. Parce qu'on enlève les gens au diaconat là. Oui. Tu es à deux jours, on t'enlève. Mais si on t'enlève là, ça ne fait pas que tu ne sois plus prêtre. Oui. Ça ne fait plus que si on t'enlève là-bas même, tu es toujours prêtre parce que tu as déjà été formé. Ouais, mais ça, non. Jusque-là, ça veut dire que tu es toujours dans ta vocation. Ah, non. Ce soir-ci, si on finissait la conversation ici, entre toi et moi, qui a contenu les Écritures? Les Saintes Écritures. Non. Je vais te dire une chose. Chez nous, à l'Église catholique, oui. N'est-ce pas? Oui. C'est vrai que la Bible est la référence. Mais quand on... Elle n'est pas absolue. Elle n'est pas l'absolue référence. C'est l'absolue. C'est l'absolue référence. C'est l'absolue. Mais quand on dialogue comme ça, on n'a pas toujours eu tendance à tirer des références, les références, parce que les références, bon, au début, oui. Il n'y avait pas les références dans la Bible. Oui. Les vraies ont été mises juste pour... Non, même si on cite, quand tu cites par exemple, puisque quoi, Aristote, tu ne cites pas les références, tu dis qu'il a dit telle chose. On n'a pas besoin de donner les chapitres et le verset. C'est pas pour dire que... Non, on n'a pas... Non, quand tu dis que pas... dans votre formation, la Bible est la référence, est-ce que dans votre formation, on vous a monté dans la Bible où Marie est montée au ciel? Je vous ai dit ici. Oui. Je t'ai dit ici. Oui. Toi-même, tu as parlé des dogmes là maintenant. Oui. En disant. Oui. Ça, c'est dans l'encyclopédie. Ça, ce sont les dogmes de l'Église catholique. Extra-biblique. Nous sommes d'accord. Ça, ce sont les dogmes. Et je t'ai dit, puisque Marie est bien heureuse. Désormais, tous les âges te diront bien heureuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tout le monde. C'est-à-dire, toi, tu fais partie de quelle génération pour ne pas. Je vais dire que Marie bien vénérer l'expression la mère de Marie. Oui. Et je vais dire la mère de Jésus. Donc, la question que je vais poser, c'est ceci. Dans la Bible, les apôtres qui ont vu Jésus et qui ont vu cette femme-là, l'ont-ils fait? Bon. Parce que c'est le commencement, la base, c'est là-bas. Est-ce qu'ils ont fait ce que nous faisons? Vous pensez que la Bible écrit tout est écrit dans la Bible? Mais ce qu'il y a déjà écrit, il faut qu'on y s'y là. Parce que la Bible dit qu'on ne doit rien ajouter, on ne doit rien retrancher, n'est-ce pas? Dieu dit dans la Bible, dans le Proverbe chapitre 27, 22, 27, 17, qu'il a déjà mis par écrit tout ce qui concerne, qu'on doit réfléchir là-dessus. Tout à l'heure, par exemple, dans notre discussion, vous avez parlé de Jésus, de l'âge des 12 ans, de 0 à 29 ans, peut-être, comme ça, là. Il y a donc beaucoup d'écrits de Jésus. Oui. Maintenant, pourquoi, de façon exprès, Dieu a voulu qu'on comprenne à partir de l'âge de 30 ans? C'est pour notre sanctification. Pour notre bien. Et dans ce cas, pourquoi ne pas chercher quelque part où ce n'est pas écrit? Quand Dieu décide de ne pas écrire, par exemple, quand Moïse, on dit par exemple, Moïse apparaît 40 jours et 40 nuits dans la montagne. Quand il est revenu, on a vu, il est venu dans le commandement. Tu ne peux pas vraiment dire que pendant les 40 jours, deuxième jour, troisième jour, il faisait quoi là-bas? Parce que toi, tu n'étais pas là-bas. Si Dieu avait voulu qu'on sache ce qu'il faisait là-bas, il devait mettre cela en référence. Nous sommes d'accord. Alors, quand tu dis que l'Église catholique, dans votre formation, vous avez pour référence la Bible, d'où vient donc l'adoration avec dans la liturgie chrétienne aujourd'hui, catholique? Moi, je ne sais pas ce que je peux encore vous dire, parce que je n'aime pas trop. Moi, je vous ai quand même accordé beaucoup du temps, parce que je n'aime pas trop. Mais ça, c'est le partage, non? Oui, ça veut dire que je n'aime pas souvent trop partager. Quand on est dans le même. Oui, non, parlez, c'est que la lumière, la bouche ne suit pas la lumière. Quand on est dans on est en train de par exemple, parlons de, on est en train de parler de l'amour, parlons de oui, quelque chose qui, mais quand, généralement, ça ne m'avance. Ça n'avance pas. En fait, je n'aime pas. Est-ce que tu peux parler de l'amour et l'amour sans la vérité? L'amour et la vérité sont intimement liés, n'est-ce pas, mon cher? Mais la vérité aussi. Bon, si on prend par exemple le thème amour, n'est-ce pas? l'amour, la Bible déclare que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Tu vois que chaque fois, ça va revenir encore dans les Écritures. Et il dit que ses commandements ne sont pas pénibles. Jésus donc a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Donc il faut qu'on fasse ce qu'il dit. Et Jésus a dit que si quelqu'un ne m'aime pas, il ne garde pas ma parole. Tu vois que l'amour là-même, c'est en train de renvoyer encore dans la parole, dans la prédication de Jésus. Donc en fin de compte, avant d'avancer sur l'amour, il faut d'abord vérifier si on est conforme à la parole. C'est même pour cela que toi, en tant que prêtre, tu dois vérifier si toi-même d'abord, si tu es d'abord entré. Avant de savoir où tu en es de conduire les fidèles. C'est pas ça. Oui, bien suivi, mais... Par exemple, Jésus, par exemple... Quand on parle de l'adoration même, de l'adoration, la vénération n'est pas l'adoration. C'est-à-dire, quelle est la différence? C'est un respect. La vénération, c'est un respect. C'est un respect. Oui, bon, vous pouvez respecter Jean-Baptiste comme ça. C'est un respect qu'on apporte, qu'on accorde à Marie. C'est pour ça qu'il pose la question. En reconnaissant Marie comme la mère de Jésus. C'est pour ça qu'il n'en disconvient pas. Voilà. Est-ce que vous pouvez accorder ce même respect-là à Jean-Baptiste qui a eu le privilège de baptiser Jésus? Jean-Baptiste, il est assez reconnu à l'église catholique. Non, il n'est pas demandé si vous le reconnaissez. Suivez la question. Parce que même les musulmans disent qu'ils reconnaissent Jésus comme un prophète. Mais pour autant, ils ne venaient pas le Seigneur Jésus. La question que je pose, c'est la même vénération que vous apportez à Marie. Pouvez-vous l'apporter à Jean-Baptiste qui a eu le privilège de baptiser Jésus? Il n'est pas la mère de Jésus. Donc, vous ne respectez pas. Et Marie et Jésus, on ne peut pas aussi dire que Marie, on te met au même rang que Jésus. Non. C'est lui qui fait cette classification. Non, c'est ça que je suis en train de dire. On ne peut pas dire que ça. On n'adore pas Marie. Donc, on juste le respect. Et, on s'en dit que, ça veut dire que le respect. Marie, il veut toujours prendre le mot respect tellement que vous allez l'utiliser. Ça veut dire le respect que vous accordez à Marie, vous ne pouvez pas l'accorder à Jean-Baptiste. Vous ne pouvez pas le faire. Oui. Mais Jésus, et voici ce qu'il a dit. Mais avez-vous cité ce que Jésus a dit? Jésus a dit que parmi tous les hommes qui sont nés des femmes, il n'en est point paru qui soit semblable à Jean-Baptiste. Oui. Nous sommes d'accord? Oui. Ok, maintenant, Marie est née des femmes, oui ou non? Donc, quand Jésus, lui, était sur la terre, c'est Jean-Baptiste qui l'a élevé au-dessus de tout le monde. Qu'est-ce que tu as dit alors? Bon, mon frère, si Jésus dit ça, pourquoi il dit ça? Bon, ça, c'est la question. Voilà. Il a dit parmi tous les hommes qui sont nés des femmes, il n'en est point paru comme Jean-Baptiste. Voilà. Pourquoi il dit ça? Peut-être c'est toi qui es le prêtre, tu peux nous expliquer. La deuxième chose, c'est qu'il y a une femme au milieu de l'Afrique, quand Jésus parlait dans Luc chapitre 10, elle a relevé au milieu de l'Afrique, il dit heureux les mamelles qui t'ont porté, heureux les femmes qui t'ont allaité. Il a dit que heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Donc, il a dit que la mamelle de Marie n'est pas heureuse. C'est ce qu'il a dit. C'est dans la Bible. Comment c'est Jésus qui a dit, c'est son fils qui a dit. Il a dit, il y a une femme qui a levé le... Attendez un peu. Oui, je sais, mais la Bible n'est pas la littérature. Hein. Donc quand on lit la Bible, ne sait pas... Non, tout à l'heure, quand tu as dit bien heureux, que parce que l'ange Gabriel, quand il avait dit bien heureux, quand Marie a dit bien heureux seront les gens d'un âge, là, tu n'as pas eu recourant, tu n'as pas eu problème de littérature. La Bible dit que dans Luc chapitre 10 là, oui. Il a dit que pendant que Jésus parlait ainsi, une femme élevait la voix du milieu à la foule et dit heureux les seins qui t'ont allaité, heureux les mamelles qui t'ont porté. Jésus s'est tourné exactement à cet instant là. Oui. Cette femme là fait référence à qui? Cette femme là déjà, sa voix fait référence à qui? À Jésus. Non, il dit ceci, elle a dit heureux les mamelles qui t'ont porté. À Marie. Ah, elle fait référence à Marie. Oui. Marie, voici la réponse de Jésus. Mais ce n'est pas la Marie qui. C'est d'abord la parole qui est là. Non. J'ai dit ceci, n'est-ce pas? Jésus a fait la prédication. Oui. Une femme élève la voix du milieu de la foule. Et dit, heureux la mamelle qui t'en allaité. Allez, oui. Là, elle fait référence à qui? À Marie, non? À Marie. Maintenant, voici la réponse de Jésus, séance ténante. Oui. Il a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et justement, parce que c'est la parole de Jésus, elle est là avec Jésus. La femme là, elle est là avec Jésus. Ce qui est là maintenant, c'est d'abord la parole. Laissons-nous d'abord. Non, Jésus n'a pas dit que c'est lui qui est le plus heureux. Il a dit que heureux plutôt ceux qui écoutent la parole. Quelle parole? La parole de Dieu. Quelle parole? Comparé à ce que vous avez devant vous. Il est en train de marcher avec la femme. Oui. Ils sont ensemble. Mm-hmm. Donc, heureux ou bien heureuse est celle qui est là en train d'écouter. Non. En train de le suivre. Donc, ça veut dire que cette personne-là est érigée au-dessus de Marie. Cette personne qui écoute la parole et la garde est élevée au-dessus de Marie. Parce que en comparaison, la femme était dérivée Marie. Non. Nous sommes d'accord. La femme était en train de faire quoi? Oui, la femme est... La femme était en train de faire quoi? Dérivée Marie. Justement, parce qu'elle a vu que quand elle voit jusqu'à parler, elle dit mince, la femme qui a porté chez l'enfant, oui. A accouché chez l'enfant. La femme voulait pénérer Marie, non? Jésus a accusé la vénération. C'est plutôt. les gens. Elle est heureuse seule ou bien il est heureux seul. Celui qui écoute la parole et la garde. Ce n'est pas seulement pour ces séances-là. Ils sont en train de cheminer, de marcher. Non, je dis que n'est-ce pas. Cette parole heureuse, plutôt ceux, n'est pas seulement destinée à ceux qui ont écouté la parole là, oui. Séance tenante. Oui. Parce que Jésus n'a pas dit plus tard dans Jean chapitre 17 que je ne dis pas, je ne fais pas ça pour ceux qui sont, mais pour ceux qui vont croire en moi par leur parole. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que Jésus, par cette parole, élève ceux qui écoutent la parole de Dieu et la garde au-dessus de Marie qui est vénérée. Nous sommes d'accord, mon cher prêtre. Je vous ai dit, je ne suis pas encore la deuxième chose. Je ne suis pas prêt. Je n'ai pas encore prêt. Voilà. Mais d'ici quelques années, c'est combien de temps encore? Le temps appartient à Dieu. Mais normalement, la formation dure combien de temps? La formation dure 9 ans, 12 ans. Mais, ça dépend. Bon, tu vas peut-être être un prêtre agrégé directement même. Mais dans ton cursus, tu es d'après parce que dans le stage, ça veut dire pas dans les curés, dans les paroisses, tu peux faire des choses. Oui. Ah, donc ça veut dire que tu exerces déjà le sacerdoce sans être consacré au service. Donc ça veut dire que tu es, comme on parle dans le cadre des évangéliques, un pasteur assistant ou un pasteur proposant. Donc c'est votre appellation. Mais on reste ici. Il y a quelque chose qui est anti-biblique. Pas seulement une seule chose, mais plusieurs choses qui sont anti-bibliques. Cette chose-là, c'est que toute science. Ça vous dérange d'allumer là? Non, si on admet que. Je vais toujours sur la base du fait que le Créateur est en haut. Nous sommes en bas. Et c'est le Créateur qui appelle les gens sur la terre de venir à lui. Et que c'est lui qui nous a donné ce qui est contenu dans ces bouquins, c'est comme modèle pour que nous puissions savoir comment manger. Et donc, si sur la terre, donc, je me dis que je suis son serviteur et que je marche contre ce bouquin-là, forcément, ça ne marche contre celui-là. Parce que si je suis ici maintenant, quand on veut construire une maison, on dit qu'il faut le permis de bâtir. C'est la loi qui dit ça. Cette feuille-là s'est déplacée, s'est déposée dans les assemblées nationales et autres là-bas, et dans les lieux où on dépose les lois. Je suis ici, si j'ai bâti une maison, je vais bâtir une maison, je ne prends pas le permis de bâtir, on va venir écrire sur ma maison que arrête des travaux. C'est conformément à une loi qui est là-bas. Parce que cette loi-là dit que si on veut bâtir là-bas, il faut une autorisation de construction. Et donc, si Dieu nous dit que nous sommes ses serviteurs, que nous devons marcher avec lui, ou bien selon lui, c'est selon les saintes écritures. Parce que si cette Bible n'était pas donnée, personne parmi nous sur la terre ne pourrait dire comment marcher avec Dieu. C'est pour ça que les saintes écritures ont été données. C'est-à-dire que les saintes écritures sont quoi? Sont la torche sur notre chemin de ténèbres pour marcher sur le sentier du Seigneur. Alors, si toi et moi, on continue les saintes écritures, qu'on soit sûr à 100% qu'on a de marcher dans les ténèbres. Parce qu'il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Pas les dogmes humains. Jésus, de son temps, il a dit aux pharisiens que pourquoi transgressez-vous la loi de Dieu au profit de votre commandement, de votre tradition. Quand il était là, les pharisiens avaient établi leurs propres normes. Ils avaient dit que chez nous, les pharisiens, nous faisons comme ça. Les sadducéens avaient dit que eux, ils faisons comme ça. Pourtant, dans la loi qu'ils avaient, il n'était pas écrit ainsi. Nul de ce qu'ils se faisaient là n'était écrit dans la loi. Mais ils prenaient cela, ils présentaient devant la foule. La foule, ils ont été mélangés avec la tradition et avec certaines choses de Dieu, les aspects de Dieu. Ils ont le lavage de coupe, ils essuient le coupe à l'extérieur, ils essuient à l'intérieur. Quand ils partent dans le lieu public, ils rentrent dessus le même. Dieu n'avait pas parlé de cela. Donc ça veut dire qu'ils avaient érigé ça en norme, en dogme. Il y avait la distance des chemins de sabbat où ils ne devaient pas parcourir 1,1 km, qu'ils n'avaient pas parcouru. Tu pars quoi ce jour-là? On va te lapider. Dieu n'avait pas prescrit ça dans la Bible. Alors on avait des problèmes. Le peuple avait des problèmes aussi parce que la tradition était mélangée avec les Écritures. Or, quand Moïse leur a donné les Écritures dans Hébreu, dans Deutéronome chapitre 4, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, Israël, écoute, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu daignes observer ce qu'il t'a dit sans rien y ajouter, sans rien y retrancher. Donc, quand la parole est donnée, c'est parfait. Salomon dit dans Proverbe chapitre 30, verset 5, n'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et qu'il ne te trouve menteur. C'est ce qu'il a dit. Et Apocalypse finit en disant, je le déclare, quiconque entend les paroles de cette écriture, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des flots décrits dans ce livre. Si quelqu'un y retranche quelque chose, Dieu retranchera aussi sa part de l'arbre de vie qui est décrit dans ce livre. Donc, ça veut dire que toi et moi, il faut qu'on fasse attention. Parce que nous nous disons serviteurs de Dieu, appelés de Dieu, et par conséquent, Dieu va nous juger, nous passer au jugement par rapport à ce qu'on aura dit. Si tu peux prendre les pensées d'Aristote, les pensées de Platon et d'Alexandre Sévère, tu prends la pensée des gens Chrysostome avec les origines. Tu peux prêcher aux gens et que cette pensée-là soit différente de ce que la Bible dit. Donc, ça veut dire que toi, en tant que prêtre, voici donc le socle de ta formation en réalité. Si tu mets là la pensée philosophique là-bas, tu es fini avec Dieu. N'est-ce pas, Abbé? La philosophie... N'est pas incompatible. La philosophie, c'est juste pour la continuité. La philosophie, c'est pas la philosophie comme on dit au Seigneur. Bon, en quoi est-ce que la philosophie contribue à la formation des textes, par exemple, des carême que vous avez lu aujourd'hui, des trucs des rameaux que vous avez lu aujourd'hui? La philosophie, ça t'aide à faire quoi là-dedans? Vous parlez de la repentance aux gens. En quoi? Pourquoi est-ce que la philosophie amène? Oui. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de la repentance aux gens. Non, je suis allé dire que dans un enseignement sur la repentance, l'enseignement de la philosophie, à quoi a t'aidé pour que tu parles de repentance à quelqu'un? Je ne peux pas, je ne sais pas ce que je peux me... Parce qu'ici à l'entrée, tu m'as dit que le but de cette formation qu'on fait là, c'est pour savoir comment se comporter en société, comme si la Bible n'était pas... Oui, cela dit que la compréhension de certains, de certains mots, c'est pas pour dire que la philosophie, tu dois étudier à l'école, Platon, Socrate, c'est ce que... Non, mais ce sont les écrits que vous utilisez. Vous utilisez les écrits et vous faites les accessions et les commentaires sur les idées. Non, en principe, c'est la théologie qu'on apprend plus à la, au séminaire. Mm-hmm. Et la théologie, c'est quoi? C'est la Bible. Non, non, c'est la théologie que vous apprenez là-bas, c'est les pensées des écrivains ou philosophes. Et la philosophie, ça c'est, je vais appeler ça, ça c'est les novices. C'est quand tu commences déjà la théologie maintenant que... Que vous entrez dans le profondeur. Profondeur. Regarde, quand on parle de pâte, hein? Non, allez-y. Non. Donc, quand la philosophie, vous êtes en train de vous baser... C'est pour ça qu'il parle... Non, c'est moi qui me base sur ça. Il dit, dans vos enseignements, là, oui, la philosophie vous apporte quoi dans la compréhension de la Bible? La connaissance de la Bible. La connaissance. Tout simplement. Est-ce que c'est une connaissance dont on en a besoin pour prêcher la Bible? Tu n'es pas qu'on ne connaît pas, tu ne peux pas prêcher. C'est-à-dire que là, vous avez fréquenté par exemple jusqu'au bac, n'est-ce pas? Oui. Quand vous lisez ici, il y a quelque chose que vous avez fait à l'école là-dedans. Moi, je fais par exemple physique, n'est-ce pas? Quand vous lisez la Bible, c'est pour prêcher. Quand Jésus met ses mains là, il dit que repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Vous avez besoin de la philosophie pour faire ça. Ou bien des sciences humaines. Non, mais tiens. Ou bien des gestuels. Ouais, ouais. Donc tu comprends effectivement que l'Église catholique a fait feu au groupe depuis des siècles. Non. Est-ce que tu penses que l'Église ou bien le chrétien catholique, oui, ignore ce qu'on appelle la repentance? Bon, si c'est le pain, comment vous couchez devant les idoles chaque fois devant les idoles alors que la Bible interdit cela? Mais l'idole, c'est quoi? N'importe quoi que tu peux représenter. Il a interdit qu'on ne doit pas faire des représentations quelconques. Par exemple. Par exemple. L'Église catholique est pleine des évangiles. Quand vous partez à Idéa, vous parlez d'Idéa tout à l'heure, à monter à l'évêché là-bas, se trouve une grosse croix là-bas avec quelqu'un pendu dessus avec les gens, où là, les gens veulent se prosterner. Anti-Malène, c'est même l'arbre qu'on a écorché sur ce là à pleurer, fatigué, sur ce elle est morte. Vous, ça c'est l'idolâtrie, c'est pas l'idolâtrie. Bon, considérer comme l'idolâtrie, c'est bien. Non, mais non, il dit, si on définit donc, l'exode chapitre de 20 par exemple, verset 4 et 5 disent qu'on ne doit pas se prosterner devant une image taillée. Une image taillée, tu ne dois pas te prosterner devant. C'est déjà un commandement. Et toi, prêtre, tu vas aller prendre les gens là-bas, il y a le mercredi des cendres. Vous allez amener les gens dans les cimetières. Vous allez prier, faire les prières pour les morts. Comme l'Église dit, alors que ici, ça ne se trouve pas dans la Bible. On va prendre les cendres, mettre sur le visage. Ah bon? C'est parce que c'est la norme de l'Église, c'est les dogmes de l'Église. Et pour dire quoi? Pour dire clairement que c'est contraire à la parole de Dieu qui est censé t'appeler. Parce que 2 Timothée 3, c'est dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner. On dit afin que l'homme de Dieu soit propre à toute justice. Donc c'est ça qui doit être corrigé par Platon, par les dogmes catholiques. C'est la parole qui doit être corrigée. Quand ça te corrige, ça se pose que, quand on dit corriger, ça se pose que quelqu'un pouvait faire l'erreur, c'est la parole qui doit le ramener. La solution de sortie, c'est quoi? C'est de quitter cette voie-là tout simplement. Ah bon? Absolument. Puisque la question que je m'as posée tout à l'heure, c'est que, ok, en fait, il faut qu'on soit clair. Qu'est-ce que tu me dis? Si, je c'est le mot que je voulais. Oui, c'est ce que tu as dit. Oui, je suis en train de répondre à ta question. Il faut quitter cette voie-là. Tu es sur la sellette. La voie facile qui glisse pour aller en enfer. Aïe, aïe, aïe. Pour faire quoi, là? C'est donc la repentance. Non seulement tu vas te repentir, même tu as d'avoir accepté tous les enseignements philosophiques. C'est-à-dire que on va faire ça pour t'embrigader, pour que tu embrigades aussi les gens. Oui, je vous comprends. Maintenant, pour faire quoi? Pour faire commencer, tu te restes à côté, tu pries maintenant pour que le Seigneur te révèle quelle est la direction qu'il veut pour toi. Chaque jour, je lui demande ça. Mais tu sais pourquoi? Tu penses que c'est pour rien qu'il t'a conduit vers moi? Non. C'est pourquoi? Pour que tu arrêtes les études là-bas, tu sors. Pour aller où? Il a dit, sortez du milieu de mon peuple et je vous accueillerai. Pour aller où? Il va dire, je vous accueillerai, il va t'accueillir, il va te dispatcher exactement là où il veut me donner. Ah bon? C'est exactement ce qu'il faut faire. ça va vous coûter, ça va coûter votre femme, ça va coûter la, les choses, les, ça va être tout. Enfin, de toute façon, quand vous allez sortir, ça partir de maintenant, vous serez plus tranquille avec moi, avec lui aussi. Ça sera terminé parce que vous avez entendu cette voix. Et il a dit dans Hébreux chapitre 4, 3, il dit verset 7, il dit, aujourd'hui vous entendez sa voix, n'agissez pas votre cœur. Et si donc, je sors là-bas, si je sors là-bas, je vais toujours continuer à aller à la messe pour les louer. Si tu pars encore, tu pars encore de Dieu là, ça veut dire que parce que tu as de faire ce que l'autre prêtre aussi va faire en nous en séance, ce qui n'est pas vrai. Jésus ouais. Dans la Bible, il dit, il est question de sortir du milieu de Dieu, je vous accueille. Tu sors, tu ne vas nulle part. Tu prends ta Bible maintenant, sors la soeur avec lui à genoux, il va te montrer ce qu'il faut faire. Moi j'aurais toujours besoin d'aller prier avec mes frères. Pour le moment, c'est parce qu'il a dit, parce que tu sais pour que tu peux prier, on te trompe quelque part. C'est l'erreur que les autres font, personnes font. Ils sortent d'un lieu, tu entends quelqu'un qui est catholique, appelle les carrés chez le Jéhovah. Pour dire qu'il était protestant, c'est pas ce qu'il faut faire. Dieu, voici l'ordre qu'il a donné. Sortez du milieu de mon peuple, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est ce qu'il a promis. Il n'a pas dit sortez, allez à Bécheba, allez à Bethel ou allez à Manahim. Il a dit sortez et je vous accueillerai. Donc, si tu veux, maintenant là, on peut prier et que cette tension-là soit brisée sur toi. Mais si tu continues jusqu'à ce que la blouse blanche avec les banderoles vertes et autres là soit positionnée sur toi, sache que tu es entré dans l'entrée même de Lucifer. Ah bon? Absolument. C'est l'absolue vérité, mon cher. C'est l'absolue vérité. L'Église de Dieu est la grande entité qui contrôle ces écritures et dont les dogmes et les normes sont contraires et contredisent clairement et directement les Saintes Écritures dans tout son sens. C'est-à-dire que depuis la base de sa fondation jusqu'à la bande blanche qu'elle porte sur elle, tout est faux. En passant par les canons, les différents encycliques, les différents bulles papales, les différents normes, les différents conciles, tout est faux. Bien. Parce que souviens-toi que tout si quelque chose est contre Sainte Écriture, forcément, c'est anti-biblique, donc c'est anti-Saint-Esprit. C'est-à-dire anti-Christ. Pour ne pas choquer, c'est-à-dire que c'est le Lucifer même. Donc, je crois que vous n'êtes pas choqué parce que c'est la vérité que je vous dis là maintenant. Mon frère, l'église, c'est l'église de Dieu. Je ne sais qu'un serviteur. Laquelle? L'église pentecôtiste. L'église est l'église de Dieu. Laquelle? Parce qu'il y a l'église catholique, l'église protestante, l'église de Témoin de Jéhovah, il y a l'église baptiste, l'église anglicane, l'église byzantine. Laquelle? L'église. Laquelle? Je ne sais pas. Mais vous êtes prêtre. L'église où je suis. Oui. L'église, je suis à l'église. Oui. C'est l'église de Dieu. Et alors, les autres, alors? Toutes les églises sont pour Dieu. Mais je ne sais pas, je ne peux pas. J'ai dit au début que moi, généralement, je n'aime pas parler des églises. Non, c'est toi qui as abordé ce pan-là. Moi, ça ne veut dire seulement que l'église du Seigneur Jésus-Christ est bâtie sur la parole. Je n'aime pas souvent parler. Moi, je ne sais pas. Jésus a dit que si quelqu'un même, il gardera ma parole. C'est ce qu'il a dit, non? Jésus est l'engendreur de l'église. C'est lui l'épouse de l'église. Et donc, si Jésus dit que si toi tu l'aimes, tu gardes sa parole. Et voilà la parole que tu as envie d'ouvrir devant toi. Et si tu la contredis, forcément, tu n'es pas de là. Mais tu as envie de servir l'église au lieu de Jésus. Tu as envie de servir l'église institutionnelle. Parce qu'en fait, ce que Jésus appelle par l'église, c'est pas ce que tu as envie d'appeler par l'église. Parce que ce que tu appelles, c'est l'institution catholique. Parce qu'on appelle ça l'église catholique roumaine. Il y a l'église catholique anglicane. L'église catholique orthodoxe, ainsi de suite, et toutes les autres choses. Les protestants sont aussi les catholiques, parce qu'on parle de l'église universelle. Donc, en fait, tu fais partie de l'institution appelée catholique, mais pas de l'église du Christ Jésus. Parce que l'église du Christ Jésus, on entre là par le baptême du Saint-Esprit. Donc il faut qu'on reconsidère maintenant la voie. Je vais prier pour vous maintenant, si vous le voulez bien, pour que le Seigneur nous oriente. Mon frère fait de la prière, mais je pense... C'est la prière qui s'annonce, non? Oui, c'est la prière. Parce qu'il est là, ou deux, trois sont... Il est là. On fait de la prière. Puis... Non, c'est pas notre prière, c'est pas la prière, c'est la prière qui est dirigée vers vous particulièrement. Ah, pour me désorienter, c'est ça? Non, pour vous délivrer de ça. Pas la prière pour vous désorienter, mais pour vous orienter plutôt. C'est-à-dire que je vais prier de temps à ce que le Seigneur te conduise dans la voie de sa parole. Oui. Dans la voie de sa parole. Si c'est prier, il n'y a pas de problème. Moi, quand j'ai commencé la prière, prier. Vous permettez que je prie donc. Priez, priez, moi je n'ai pas de problème. Tant de Père, merci pour cette réunion. Et merci pour ce moment que tu nous as donné de passer en ta compagnie. Seigneur, tu as dit que si quelqu'un s'égare, qu'il revienne à ta parole, parce que ta parole est la vérité. Je prie au Dieu de gloire que tu conduis ton fils que voici vers ta sainte parole et qu'il comprenne que ta parole est le dernier habit et que tu as donné ta parole afin qu'on les observe avec soin, sans rien y ajouter, sans rien retrancher. Seigneur, les voies détournées veulent le conduire dans cette prêtrise des sorcelleries. Je prie au Dieu de gloire que tu l'en délivres et que tu le diriges sur la voie de la vérité. Il désire tes services, si telle est ta volonté, tel est ton appel, de ta vocation pour lui, Père. Je prie que tu l'orientes et que tu lui donnes, au Dieu de gloire, que ce voile soit ôté afin qu'il voit la splendeur de la glorieuse lumière révélée de la Sainte Écriture en Christ Jésus. Il te le recommande entre tes mains. Chaque fois, Père de gloire, qui va ouvrir maintenant, au Dieu de gloire, les Saintes Écritures pour lui, je prie que la puissance du Saint-Esprit puisse frapper ce voile sur le cœur au nom de Jésus. Que Jésus s'ouvre et que son cœur s'ouvre à la lecture de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon cher. Que Dieu te bénisse. Mais il n'y a rien à boire ici, oui. Non, non, non. Non, il dit, Madi, tu veux lui poser une question? Non. Ok. Merci, merci d'être venu ici à la maison. Nous te remercions aussi, Frère Junior. Que Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Et Madame Chanda, pour la disponibilité. Oui, on a parlé, c'est plus, presque 2 heures de temps là maintenant. Et je m'excuse pour l'obscurité et puis la chaleur. C'est pas ma volonté et c'est quelque chose qui est. C'est le propre de notre pays. On est habitué à Bétouan, il n'y a pas le courant. Il n'y a pas le courant. Vous pouvez avoir 4 heures de courant par jour. C'est terrible, là, vous pouvez là-bas comment? Oui. C'est le congélateur alors. C'est pas le affaire. Non, tout le monde a là-bas, les groupes, c'est tout, les gens qui ont les bars, les trucs là, oui. Parle-moi de la communauté Saint-Jean à Bétois. Ils sont encore là. Hein? La communauté Saint-Jean. Pourquoi ils ont été congédiés? La communauté Saint-Jean ne sont plus. N'est plus à Bétois. Pourquoi? Tu connais l'histoire qui se cache en dessous? En principe. Tu connais les accusations qui ont eu lieu dans la justice là-bas, non? Ils avaient. Parce qu'à l'époque, oui. Ceux qui géraient la cathédrale. Exactement, je sais. Voilà. Et quand mon Seigneur Joseph Atanga est arrivé, Atangana, oui. Il a récupéré la cathédrale. Oui. Mais il y a un problème avec eux, n'est-ce pas? Bon. Mais bon, c'est entre les clergés. Bonne soirée. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ok, bon, madame. Merci. Vous accompagner au goudron, d'accord? Je vous accompagne au goudron. Merci, merci. Oui. Beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont approchés au bien éphémère de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su. Abribote Asuna, Lazoko Souvenir. Amuna Babiane, Yambe Sindo, Nema, Mesemenete. Amuna Yogiana, Ntavane, Chiri. Avoue, Yamaba, Amuna Nezame. Amuna Sinu Yayelot, Amame Seya, Yayena, Misema. Majoye, Komo, Buna Nezame. Oh, te dame Yogiana. Le jour du jugement, ce fameux jour, nous allons tous nous retrouver devant le Seigneur à faire le bilan de notre vie. Si le bilan est négatif, c'est l'enfer. Un mon seul Christ a sort, un outil ici au majo. Avant la bouillie, ma médaille boban, un mot saute. Galate Zambe, aïe, un le biana. Dis ce d'aïe, un le Christana, son incoute.

pardon. Pardon, papa. Et mon volet.